La Belle au bois dormant, par Charles Perrault. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. La Belle au bois dormant, par Charles Perrault. Il y avait une fois un roi et une reine qui invitèrent au baptême de la princesse leur fille toutes les fées du pays, afin que chacune d'elles lui fît un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau d'or fin, garni de diamants et de rubis. Comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point invitée, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'on ne l'avait vue. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres, parce qu'on n'en avait fait fabriquer que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées, qui se trouvait auprès d'elle, l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière et de pouvoir réparer, autant qu'il lui serait possible, le mal que la vieille aurait fait. Les fées commencèrent à faire le don à la princesse. Elles lui donnèrent l'esprit, la beauté, la grâce, le charme, le savoir. Le tour de la vieille fée étant venu, elle dit méchamment que la princesse se percerait la main avec un fuseau et qu'elle en mourrait. Toute la compagnie se mit à frémir. La jeune fée prit la parole. « Rassurez-vous, roi et reine, dit-elle, la princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Le roi, pour tâcher d'éviter un pareil malheur, fit annoncer dans tous ses états qu'il défendait de filer au fuseau. La princesse avait atteint sans accident sa 16e année quand, un jour, montant dans le donjon du château, elle trouva une bonne vieille en train de filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait jamais entendu parler des défenses du roi. « Que faites-vous là, ma bonne femme ? » dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille, qui ne la connaissait pas. « Ah ! Que cela est joli ! » reprit la princesse. « Comment faites-vous ? Donnez-moi, que je vois si j'en ferai autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive et un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés. On jette de l'eau au visage de la princesse, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec du vinaigre, mais rien ne la faisait revenir à elle. Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées, et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit, il fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit un ange, tant elle était belle, car son évanouissement n'avait point ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient roses et ses lèvres gardaient la couleur du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer tout doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans, était à 12 000 lieues de là lorsque l'accident arrivait à la princesse, mais elle en fut avertie en un instant par un enchanteur qu'elle avait à ses ordres. Elle partit aussitôt, et on la vit au bout d'une heure, arrivée dans un char tout de feu, traîné par des dragons. Le roi alla lui présenter la main pour l'aider à descendre. Elle approuva tout ce qu'il avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce grand château. Et voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans le château, hors le roi et la reine, c'est-à-dire les gouvernantes, demoiselles d'honneur, femmes de chambre, gentilshommes, officiers, maîtres d'hôtel, cuisiniers, marmitons, gardes, suisses, pages, valets de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros chiens de la basse-cour et la petite chienne de la princesse. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches même, qui étaient au feu toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment. Alors le roi et la reine, après avoir embrassé leur cher enfant sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château et firent afficher dans toutes les rues des avis qui faisaient défense à qui que ce fût d'approcher de cette demeure. Ces défenses n'étaient pas nécessaires, car il poussa, dans l'espace d'un quart d'heure, tout autour du château, une si grande quantité d'arbres grands et petits, de ronces et d'épines entrelacées les uns dans les autres, que bête ni homme n'y aurait passé, en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours, encore n'était-ce que de bien loin. On ne doute point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Au bout de 5 ans, le fils du roi qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que ces tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait entendu parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait, et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les manger à son aise, et sans qu'on pût le suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire, lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai entendu dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle qu'on eût jamais vue, qu'elle y devait dormir 100 ans, et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée en mariage. » À ce discours, le jeune prince crut, sans hésiter, qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et résolut de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château, qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra, et ce qui le surprit un peu, c'est de voir qu'aucun de ses gens n'avait pu le suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Il entra dans une première cour, où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. Ce n'était que des corps d'hommes et d'animaux étendus à terre. Il reconnut pourtant, bien au nez bourgeon et à la face vermée des laquais, qu'ils n'étaient qu'endormis, et leur verre, où il y avait encore quelques gouttes de vin, montrait assez qu'ils s'étaient endormis en buvant. Il passa dans une seconde cour, puis dans des salons où des gardes, des valets, des gentilshommes et des dames étaient endormis. Enfin, il arriva dans une chambre toute dorée où il vit sur un lit la jeune princesse vêtue d'habits superbes, dont la mode remontait au siècle dernier. Il se mit à genoux devant elle. Comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla. « Ah, prince !» lui dit-elle en le regardant, vous vous êtes fait bien attendre. » Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elle était dite, ne savait comment témoigner sa joie et sa reconnaissance. La princesse parla beaucoup, car elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à dire à son réveil, et il y a apparence que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse, et comme il y avait longtemps que ses habitants n'avaient pas mangé, ils mouraient tous de faim. La dame d'honneur de la princesse vint annoncer que le repas était servi. En effet, tous étaient réveillés en même temps que la princesse. Les broches s'étaient remises à tourner, le feu à brûler, les perdrix et les faisans à rôtir, les cuisiniers à faire la cuisine, les marmitons à bavarder et les maîtres d'hôtel à servir. Les gentilshommes, les officiers, les gouvernantes, les femmes de chambre, les gardes, les suisses et les pages mangeaient déjà quand le prince et la princesse passèrent dans la salle à manger. Ils soupèrent magnifiquement et joyeusement. Les violons vinrent leur jouer pendant le repas de vieilles mélodies qui étaient excellentes, quoiqu'il y eût près de 100 ans qu'on ne les jouât plus. Le prince demanda à la princesse de lui accorder sa main. La princesse lui répondit qu'elle ne pouvait la lui refuser, car les fées avaient également prédit qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi qu'elle épouserait, et le grand aumônier les maria dans la chapelle du château. Fin de La Belle au bois dormant par Charles Perrault. Jean le Chanceux par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Jean le Chanceux par Jacob et Wilhelm Grimm. Jean avait servi son maître 7 ans. Il lui dit « Monsieur, mon temps est fini. Je voudrais retourner chez ma mère. Payez-moi mes gages, s'il vous plaît. » Son maître lui répondit « Tu m'as bien et loyalement servi. La récompense sera bonne. » Et il lui donna un lingot d'or, gros comme la tête de Jean. Jean tira son mouchoir de sa poche, enveloppa le lingot, et, le portant sur son épaule au bout d'un bâton, il se mit en route pour aller chez ses parents. Comme il marchait ainsi, toujours un pied devant l'autre, il vit un cavalier qui trottait gaillardement sur un cheval vigoureux. « Ah ! » se dit Jean tout haut à lui-même, « quelle belle chose que d'aller à cheval ! On est assis comme sur une chaise, on ne bute pas contre les cailloux du chemin, on épargne ses souliers, et on avance, Dieu sait combien !» Le cavalier, qui l'avait entendu, s'arrêta et lui dit « Eh, Jean, pourquoi donc vas-tu à pied ?»« Il le faut bien, » répondit-il. « Je porte à mes parents ce gros lingot. Il est vrai que c'est de l'or, mais il n'en pèse pas moins sur les épaules. »« Si tu veux, » dit le cavalier, « nous changerons. Je te donnerai mon cheval et tu me donneras ton lingot. »« De tout mon cœur, » répliqua Jean. « Mais vous en aurez votre charge, je vous en avertis. » Le cavalier descendit, et après avoir pris l'or, il aida Jean à monter et lui mit la bride à la main en disant « Maintenant, quand tu voudras aller vite, tu n'as qu'à faire claquer la langue et à dire « Hop, hop !» Jean était dans la joie de son âme quand il se vit à cheval. Au bout d'un instant, l'envie lui prit d'aller plus vite, et il se mit à claquer la langue et à crier « Hop, hop !» Aussitôt, le cheval partit au galop, et Jean, pris au dépourvu, fut jeté par terre dans un fossé sur le bord de la route. Le cheval aurait continué de courir, s'il n'avait été arrêté par un paysan qui venait en sens opposé, chassant une vache devant lui. Jean, de fort mauvaise humeur, se ramassa comme il put, et dit au paysan « C'est un triste passe-temps que d'aller à cheval, surtout quand on a affaire à une mauvaise bête comme celle-ci, qui vous jette par terre au risque de vous rompre le cou. Dieu me préserve de jamais remonter dessus. À la bonne heure, une vache comme la vôtre. On va tranquillement derrière elle, et par-dessus le marché, on a chaque jour du lait, du beurre, du fromage. Que ne donnerais-je pas pour posséder une pareille vache ?»« Eh bien, » dit le paysan, « si cela vous fait plaisir, prenez ma vache pour votre cheval. » Jean était au comble de la joie. Le paysan monta à cheval et s'éloigna rapidement. Jean chassait tranquillement sa vache devant lui, en songeant à l'excellent marché qu'il venait de faire. « Un morceau de pain seulement et je ne manquerai de rien, car j'aurai toujours du beurre et du fromage à mettre dessus. Si j'ai soif, je traie ma vache et je bois du lait. Que peut-on désirer de plus ?» À la première auberge qu'il rencontra, il fit une halte et consomma joyeusement toutes les provisions qu'il avait prises pour la journée. Pour les 2 liards qui lui restaient, il se fit donner 1 demi-verre de bière et, reprenant sa vache, il continua son chemin. On approchait de midi. La chaleur était accablante, et Jean se trouva dans une lande qui avait plus d'une lieue de long. Il souffrait tellement du chaud que sa langue était collée de soif à son palais. « Il y a remède au mal, » pensa-t-il. « Je vais traire ma vache et me rafraîchir d'un verre de lait. » Il attacha sa vache à un tronc d'arbre mort, et, faute de seau, il tendit son chapeau. Mais il eut beau presser le pis, pas une goutte de lait ne vint au bout de ses doigts. Pour comble de malheur, comme il s'y prenait maladroitement, la bête lui donna un tel coup de pied sur la tête qu'elle l'étendit sur le sol, où il resta quelque temps sans connaissance. Heureusement, il fut relevé par un boucher qui passait par là, portant un petit cochon sur une brouette. Jean lui conta ce qui y était arrivé. Le boucher lui fit boire un coup en lui disant « Buvez cela pour vous réconforter. Cette vache ne vous donnera jamais de lait. C'est une vieille bête qui n'est plus bonne que pour le travail ou l'abattoir. » Jean s'arrachait les cheveux de désespoir. « Qui s'en serait avisé ? » s'écria-t-il. « Sans doute cela fera de la viande pour celui qui l'abattra. Mais pour moi j'estime peu la viande de vache, elle n'a pas de goût. À la bonne heure, un petit cochon comme le vôtre, voilà qui est bon, sans compter le boudin. » « Écoutez, Jean, lui dit le boucher, pour vous faire plaisir, je veux bien troquer mon cochon contre votre vache. » « Que Dieu vous récompense de votre bonne amitié pour moi, répondit Jean. Et il livra sa vache au boucher. Celui-ci, posant son cochon à terre, remit entre les mains de Jean la corde qui l'attachait. Jean continuait son chemin en songeant combien il avait de chance. Trouvait-il une difficulté? Elle était aussitôt aplanie. Sur ces entrefaites, il rencontra un garçon qui portait sur le bras une belle oie blanche. Ils se souhaitèrent le bonjour, et Jean commença à raconter ses chances et les heureux échanges qu'il avait faits. De son côté, le garçon raconta qu'il portait une oie pour un repas de baptême. « Voyez, disait-il en la prenant par les ailes, voyez quelle lourdeur. Il est vrai qu'on l'empâte depuis 2 mois. Celui qui mordra dans ce rôti-là verra la graisse lui couler des 2 côtés de la bouche. « Oui, dit Jean, la soulevant de la main, elle a son poids, mais mon cochon a son mérite aussi. » Alors le garçon se mit à secouer la tête en regardant de tous côtés avec précaution. « Écoutez, dit-il, l'affaire de votre cochon pourrait bien n'être pas claire. Dans le village où j'ai passé tout à l'heure, on vient justement d'en voler un dans l'étable du maire. J'ai bien peur que ce ne soit celui que vous emmenez. On a envoyé des gens battre le pays. Ce serait pour vous une vilaine aventure s'il vous rattrapait avec la bête. Le moins qui pourrait vous en arriver serait d'être jeté dans un cul de basse fosse. « Hélas, mon Dieu !» répondit le pauvre Jean, qui commençait à mourir de peur. « Ayez pitié de moi. Il n'y a qu'une chose à faire. Prenez mon cochon et donnez-moi votre oie. » « C'est beaucoup risqué, » répliqua le garçon. « Mais je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur. » Et prenant la corde, il emmena le cochon par un chemin de traverse, pendant que l'honnête Jean, dégagé d'inquiétude, s'en allait avec son oie sous le bras et se disait « En y réfléchissant bien, j'ai encore gagné à cet échange. J'aurai d'abord un bon rôti, puis me voilà pourvu de graisse d'oie pour 3 mois au moins. Enfin, avec les belles plumes blanches de l'oiseau, je me ferai un oreiller sur lequel je dormirai bien sans qu'on me berce. Quelle joie pour ma mère !» En passant par le dernier village avant d'arriver chez lui, il vit un rémouleur qui faisait tourner sa meule en chantant « Je suis rémouleur sans pareil, tourne ma roue au beau soleil. » Jean s'arrêta à le regarder et finit par lui dire « Vous êtes joyeux à ce que je vois. Il paraît que le repassage va bien ?»« Oui, » répondit le rémouleur, « c'est un métier d'or. Un bon rémouleur est un homme qui a toujours de l'argent dans sa poche. Mais où avez-vous acheté cette belle oie ?»« Je ne l'ai pas achetée, je l'ai eue pour mon cochon. » « Et le cochon ?»« Je l'ai eu pour ma vache. »« Et la vache ?»« Pour mon cheval. »« Et le cheval ?»« Pour un lingot d'or gros comme ma tête. »« Et le lingot ?»« C'était mes gages pour 7 ans de service. »« Je vois, » dit le rémouleur, « que vous avez toujours su vous tirer d'affaire. »« Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver un moyen d'avoir toujours la bourse pleine et votre bonheur est fait. »« Mais comment faire ?» demanda Jean. Il faut vous faire rémouleur comme moi. Pour cela, il suffit d'une pierre à aiguiser. Le reste vient tout seul. J'en ai une un peu ébréchée, il est vrai, mais je vous la céderai pour peu de choses. Votre oie seulement. Voulez-vous ? Cela ne se demande pas, répondit Jean. Me voilà l'homme le plus heureux de la terre. Au diable les soucis, quand j'aurai toujours la poche pleine. Il prit la pierre et donna son oie en paiement. Tenez, lui dit le rémouleur en lui donnant un gros caillou commun qui était à ses pieds. « Je vous donne encore une autre bonne pierre par-dessus le marché. On peut frapper dessus tant qu'on veut. Elle vous servira à redresser vos vieux clous. Emportez-la avec soin. » Jean se chargea du caillou et s'en alla le cœur gonflé et les yeux brillants de joie. « Ma foi ! » s'écria-t-il, « je suis né coiffé. Tout ce que je désire m'arrive, ni plus ni moins que si j'étais venu au monde un dimanche. » Cependant, comme il était sur ses jambes depuis la pointe du jour, il commençait à sentir la fatigue. La faim aussi le tourmentait, car, dans sa joie d'avoir une vache, il avait consommé toutes ses provisions d'un seul coup. Il n'avançait plus qu'avec peine et s'arrêtait à chaque pas. La pierre et le caillou lui pesaient horriblement. Il ne put s'empêcher de songer qu'il serait bien heureux de n'avoir rien apporté du tout. Il se traîna jusqu'à une source voisine pour se reposer et se rafraîchir en buvant un coup. Et, pour ne pas se blesser avec les pierres en s'asseyant, il les posa près de lui sur le bord de l'eau. Puis, se mettant à plat ventre, il s'avança pour boire, mais sans le vouloir, il poussa les pierres et elles tombèrent au fond. En les voyant disparaître sous ses yeux, il sauta de joie et les larmes aux yeux, il remercia Dieu qui lui avait fait la grâce de le décharger de ce fait incommode sans qu'il eût rien à se reprocher. « Il n'y a pas sous le soleil, s'écria-t-il, un homme plus chanceux que moi. » Et délivré de tout fardeau, le cœur léger comme les jambes, il continua son chemin jusqu'à la maison de sa mère. Fin de Jean le Chanceux par Jacob et Wilhelm Grimm. Enregistré par Ezoa en Belgique, en février 2010. La Malle Volante par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. La Malle Volante par Hans Christian Andersen. Il était une fois un marchand, si riche qu'il eût pu paver toute la rue et presque une petite ruelle encore en pièces d'argent, mais il ne le faisait pas. Il savait employer autrement sa fortune, et s'il dépensait un shilling, c'est qu'il savait gagner un dollar. Voilà quelle sorte de marchand c'était. Et puis, il mourut. Son fils hérita de tout cet argent, et il mena joyeuse vie. Il allait chaque nuit au bal masqué, et faisait des ricochets sur la mer avec des pièces d'or à la place de pierres plates. À ce train, l'argent filait vite. À la fin, le garçon ne possédait plus que 4 shillings, et ses seuls vêtements étaient une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Ses amis l'abandonnèrent puisqu'il ne pouvait plus se promener avec eux dans la rue. Mais l'un d'entre eux, qui était bon, lui envoya une vieille malle en lui disant « Fais tes paquets ». C'était vite dit, il n'avait rien à mettre dans la malle. Alors il s'y mit lui-même. Quel drôle de malle! Si on appuyait sur la serrure, elle pouvait voler. C'est ce qu'elle fit, et pfout, elle s'envola avec lui à travers la cheminée, très haut, au-dessus des nuages, de plus en plus loin. Le fond craquait, notre homme craignait qu'il ne se brise en morceaux. Il aurait fait une belle culbute, grand Dieu! Et puis, il arriva au pays des Turcs. Il cacha la malle dans la forêt, sous des feuilles sèches, et entra tel qu'il était, dans la ville, ce qu'il pouvait bien se permettre, puisque, en Turquie, tout le monde se promène en robe de chambre et en pantoufles. Il rencontra une nourrice avec un petit enfant. « Écoute un peu, nourrice turque, dit-il. Qu'est-ce que c'est que ce grand château près de la ville? Les fenêtres en sont si hautes !»« C'est là qu'habite la fille du roi, répondit-elle. Il lui a été prédit qu'elle serait très malheureuse par le fait d'un fiancé. C'est pourquoi personne ne doit aller chez elle sans que le roi et la reine soient présents. « Merci, dit le fils du marchand. Il retourna dans la forêt, s'assit dans la malle, vola jusqu'au toit du château et se glissa par la fenêtre chez la princesse. Elle était couchée sur le sofa et dormait. Elle était si adorable que le fils du marchand ne put se retenir de lui donner un baiser. Elle s'éveilla, effrayée, mais il lui affirma qu'il était le dieu des Turcs et qu'il était venu vers elle à travers les airs, ce qui plut beaucoup à la demoiselle. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre et il lui raconta des histoires. Ses yeux étaient les plus beaux lacs sombres sur lesquels les pensées nageaient comme des sirènes. Son front était un mont neigeux aux salles magnifiques, pleines d'images. Il parla aussi des cigognes qui apportent les mignons bébés. Quelles belles histoires! Alors il demanda sa main à la princesse et elle dit oui tout de suite. « Mais revenez ici samedi, lui dit-elle, car le roi et la reine viennent prendre le thé chez moi. Ils seront très fiers de me voir épouser le dieu des Turcs, mais sachez leur raconter un très beau conte, car ils les aiment énormément. Ma mère les veut moraux et distingués, mes pères les apprécient très gais, que l'on puisse rire. Bien, je n'apporterai d'autres cadeaux de mariage qu'un conte, répondit-il. Là-dessus, ils se quittèrent, après que la princesse lui eut donné un sabre incrusté de pièces d'or, et c'est cela surtout qui pouvait lui être utile. Il s'envola, s'acheta une nouvelle robe de chambre et s'assit dans la forêt pour composer un conte. Il devait être terminé samedi, et ce n'est pas si facile. Pourtant, quand vint le samedi, c'était fait. Le roi, la reine et toute la cour prenaient le thé chez la princesse et l'attendaient. Il fut reçu avec beaucoup de gentillesse. « Voulez-vous nous raconter une histoire ? » demanda la reine. « Une histoire d'un esprit profond et instructif ?»« Mais qui fait quand même rire ! » dit le roi. « Je veux bien, » dit-il, et il se mit à raconter. Il y avait une fois un paquet d'allumettes, très fières de leur origine. Leur ancêtre, un grand sapin, dont elles étaient toutes nées, avait été un grand, vieil arbre, dans la forêt. Les allumettes se trouvaient maintenant sur une tablette, entre un briquet et une vieille marmite de fer, et elles parlaient de leur jeunesse. « Quand nous étions parmi les rameaux verts, » soupirait-elle, « on peut dire que c'était la belle vie. » C'était matin et soir, thé de diamants, la rosée, toute la journée le soleil quand il brillait, et les oiseaux pour nous raconter des histoires. Et nous nous sentions riches. Les arbres à feuillage n'étaient vêtus que l'été. Nous, nous avions les moyens d'être habillés de vert, été comme hiver. Mais les bûcherons sont venus, et ça a été la grande révolution. Notre famille fut dispersée. Notre père le tronc fut placé comme grand-mât sur un splendide navire qui pouvait faire le tour du monde s'il le voulait. Les autres branches furent utilisées ailleurs, et notre sort, à nous, est maintenant d'allumer les lumières pour les gens du commun. C'est pourquoi nous, gens de qualité, avons échoué à la cuisine. « Mon histoire est toute différente, » dit la marmite. « Depuis que je suis venue au monde, on m'a récurée et fait bouillir tant de fois. Je pourvois au substantiel et suis réellement la personne la plus importante de la maison. Ma seule joie, c'est, après le repas, de m'étendre propre et récurée sur une planche et de tenir la conversation avec les camarades. Mais à l'exception du seau d'eau qui, de temps en temps, descend dans la cour, nous vivons très renfermés. Notre seul agent d'information est le panier à provisions. Mais il parle avec tant d'agitation du gouvernement et du peuple. Oui, l'autre jour, un vieux pot effrayé de l'entendre est tombé et s'est cassé en mille morceaux. Il a des idées terriblement avancées, vous savez. « Tu parles trop, » dit le briquet. Son acier frappa la pierre à fusil qui lança des étincelles. « Tâchons plutôt de passer une soirée un peu gaie. » « Oui, » dirent les allumettes, « cherchons qui sont, ici, les gens du plus haut rang. » Non, je n'aime pas à parler de moi, dit le pot de terre. Ayons une soirée de simple causerie. Je commencerai. Racontons quelque chose que chacun a vécu, c'est bien facile et si amusant. Au bord de la Baltique, sous les hêtres danois. Oh, quel charmant début! Interrompirent les assiettes. Nous sentons que nous aimerons cette histoire. Oui, j'ai passé là ma jeunesse dans une paisible famille. Les meubles étaient cirés, les parquets lavés, les rideaux changés tous les 15 jours. Comme vous racontez d'une manière intéressante, dit le balai à poussière, on se rend compte tout de suite que c'est une femme qui parle. Il y a quelque chose de si propre dans votre récit. Oh oui, ça se sent, dit le seau d'eau. Et de plaisir, il fit un petit bond, et l'on entendit platch sur le parquet. Le pot de terre continua son récit, dont la fin était aussi bonne que le commencement. Les assiettes s'entrechoquaient d'admiration, et le balai prit un peu de persil et en couronna le pot, parce qu'il savait que cela vexerait les autres, et aussi parce qu'il pensait « Si je le couronne aujourd'hui, il me couronnera demain. »« Maintenant, je vais danser pour vous, » dit la pincette. Et elle dansa. Grand Dieu, comme elle savait lancer la jambe! La vieille garniture de chaises, dans le coin, craqua d'intérêt devant ce spectacle. « Est-ce que je serai couronnée ?» demanda la pincette. Et elle le fut. « Comme elle est vulgaire !» pensèrent les allumettes. C'était au tour de la bouilloire à thé de chanter, mais elle prétendait avoir un rhume et ne pouvoir chanter qu'au moment de bouillir. Ce n'était qu'une poseuse qui ne voulait se produire que sur la table des maîtres. Sur la fenêtre, il y avait une vieille plume dont la servante se servait pour écrire. Elle n'avait rien de remarquable, sinon qu'elle avait été plongée trop profondément dans l'encrier, ce dont elle tirait grande vanité. « Si la bouilloire à thé ne veut pas chanter, dit-elle, elle n'a qu'à s'abstenir. Il y a là dehors, dans une cage, un rossignol. Lui sait chanter, quoiqu'il n'ait jamais appris. Il nous suffira pour ce soir. » « Je trouve fort inconvenant, dit la bouilloire, qui était la cantatrice de la cuisine, qu'un oiseau étranger se produise ici. Est-ce patriotique? J'en fais juge le panier à provisions. » « Je suis vexé, dit le panier à provisions. Plus que vous ne le pensez, peut-être. Est-ce une manière convenable de passer la soirée? Ne vaudrait-il pas mieux réformer toute la maison, mettre chacun à sa place? Je dirigerai le mouvement. Ce serait autre chose. » « Oui, faisons du chahut! » s'écrièrent-ils tous. À cet instant, la porte s'ouvrit, la servante entra. Tous devinrent muets. Personne ne broncha, mais il n'y avait pas un seul petit pot qui ne fût conscient de ses possibilités et de sa distinction. « Si j'avais voulu, pensaient-ils tous, cela aurait vraiment pu être une soirée très gaie. » La servante prit les allumettes et les gratta. Comme elles crépitaient et flambaient. « Maintenant, tout le monde voit bien que nous sommes les premières. Quel éclat! Quelle lumière !» Ayant dit, elles s'éteignirent. « Quel charmant conte ! » dit la reine. « Je croyais être à la cuisine avec les allumettes. »« Oui, tu auras notre fille. »« Bien sûr, » dit le roi. « Tu auras notre fille lundi. » Il le tutoyait déjà puisqu'il devait entrer dans la famille. Le mariage fut fixé. La veille au soir, toute la ville fut illuminée, les petits pains mollets et les croquignoles volaient de tous côtés, les gamins des rues se tenaient sur la pointe des pieds, criaient « Bravo !» et sifflaient dans leurs doigts. Une belle soirée. « Il faut aussi que je fasse quelque chose de bien, » pensa le fils du marchand. Il acheta des raquettes, des fusées, des pétards et tous les feux d'artifice imaginables. Il les mit dans sa malle et s'envola dans les airs. « Pfout ! Quelle gerbe et quel crépitement tombaient du ciel ! Tous les Turcs sautaient en l'air, leurs pantoufles volant par-dessus leurs oreilles. Ils n'avaient jamais rien vu de si beau. Ils étaient bien persuadés que c'était le dieu des Turcs lui-même qui allait épouser la princesse. Aussitôt que le fils du marchand fut redescendu dans la forêt, il se dit « Je vais aller en ville pour savoir comment tout s'est passé en bas et ce qu'on a pensé de mon feu d'artifice. » Et c'était assez naturel qu'il fût curieux de le savoir. Non ce que les gens pouvaient en dire. Chacun avait vu la chose à sa façon, mais tous l'avaient vivement appréciée. « J'ai vu le dieu des Turcs en personne, » disait l'un. « Il avait des yeux brillants comme des étoiles et une barbe comme l'écume de la mer. « Il portait un manteau de feu, » disait l'autre. « Les anges les plus ravissants montraient leur tête dans ses plis. Tout cela était fort agréable. » Et le lendemain, le mariage devait avoir lieu. il retourna dans la forêt pour remonter dans sa malle. Où était-elle donc? Elle avait brûlé. Une étincelle du feu d'artifice y avait mis le feu, et la malle était en cendres. Il ne pouvait plus voler, il ne pouvait plus se présenter devant sa fiancée. Elle l'attendit toute la journée sur le toit de son palais. Elle l'y attend encore, tandis que lui court le monde en racontant des histoires, mais elles ne sont plus aussi amusantes que celles des allumettes. Fin de La Malle Volante par Hans Christian Andersen. L'araignée et la puce par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine et Kurt Boulet. L'araignée et la puce par Jacob et Wilhelm Grimm. Une araignée et une puce vivaient ensemble sous le même toit, et ensemble brassaient leur bière dans une coque d'œuf. Un jour que l'araignée remuait la bière, elle y tomba et se noya. Et la puce se mit à pousser des cris perçants. Et la porte de la maison lui dit « Pourquoi ces cris, ô puce ?»« Parce que la petite araignée s'est noyée, » dit-elle, « dans la cuve où nous brassions notre bière. » Et la porte se mit à gémir sur ses gonds. Et le balai, qui se tenait debout dans le coin de la chambre, dit « Pourquoi gémis-tu, ô porte ?»« Comment ne gémirais-je pas, » répondit-elle, « quand la petite araignée s'est noyée dans la cuve et que la puce pousse des cris perçants. » Et le balai se mit à balayer de toutes ses forces. Et comme il balayait, une petite charrette vint à passer et lui demanda pourquoi il balayait ainsi. « Comment ne balayerais-je pas ? » répliqua le balai. « Quand la petite araignée s'est noyée dans la cuve, et que la puce pousse des cris perçants, et que la porte gémit sur ses gonds. »« Eh bien, » dit la petite charrette, « moi je vais courir. » Et elle se mit à courir au galop. Et comme elle passait en courant ainsi auprès d'un monceau de cendres, les cendres crièrent. « Pourquoi cours-tu comme cela, petite charrette ?»« Comment ne courrais-je pas, » répondit-elle, « quand la petite araignée s'est noyée dans la cuve, et que la puce pose des cris perçants, et que la porte gémit sur ses gonds, et que le balai balaye de toutes ses forces. »« Et nous, » dirent les cendres, « nous voulons brûler. » Et elles brûlèrent furieusement. Or, tout auprès d'elle, un jeune chêne s'élevait qui dit « Petit monceau de cendres, pourquoi brûler ainsi ?» « Comment ne brûlerions-nous pas, » dirent-elles, « quand la petite araignée s'est noyée dans la cuve, et que la puce pousse des cris perçants, et que la porte gémit sur ses gonds, et que le balai balaye de toutes ses forces, et que la petite charrette court au galop. »« Eh bien, » s'écria le jeune chêne, « moi, je vais me secouer. » Et il se secoua, et ne cessa pas de se secouer jusqu'à ce que la dernière de ses feuilles fût tombée. Une fillette qui passait par là, une cruche d'eau à la main, vit que le chêne se secouait et lui dit « Pourquoi, ô jeune chêne, te secoues-tu si fort ?»« Comment ne me secouerais-je pas, » répondit-il, « quand la petite araignée s'est noyée dans la cuve, et que la puce pousse des cris perçants, et que la porte gémit sur ses gonds, et que le balai balaye de toutes ses forces, et que la petite charrette court au galop, et que les cendres brûlent furieusement. » « Eh bien, » dit la fillette, « puisqu'il en est ainsi, je vais moi briser ma cruche. » Et elle la jeta à terre et la brisa. Le ruisselet d'où elle avait puisé son eau vit ce qu'elle faisait et lui cria « Oh, fillette, pourquoi donc brises-tu ta cruche ?»« Comment ne la briserais-je pas ? » répliqua-t-elle. « Quand la petite araignée s'est noyée dans la cuve, et que la puce pousse des cris perçants, et que la porte gémit sur ses gonds, et que le balai balaye de toutes ses forces, et que la petite charrette court au galop, et que les cendres brûlent furieusement, et que le jeune chêne se secoue, « Mettons-nous donc à couler, » dit à son tour le ruisselet. Et il coula, coula, et devint un gros ruisseau, et il s'enfla et s'étendit si bien qu'il embrassa fillette, et chêne, et cendre, et charrette, et balai, et porte, et puce, et enfin l'araignée, et les emporta tous ensemble. Fin de L'araignée et la puce par Jacob Wilhelm Grimm. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet en février 2010. L'aiguille à repriser par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caviraf. L'aiguille à repriser par Hans Christian Andersen, traduit par Soldi. Il y avait un jour une aiguille à repriser. Elle se trouvait, elle-même, si fine qu'elle s'imaginait être une aiguille à coudre. Maintenant, faites bien attention et tenez-moi bien, dit la grosse aiguille au doigt qui allait la prendre. Ne me laissez pas tomber, car si je tombe par terre, je suis sûre qu'on ne me retrouvera jamais. Je suis si fine. Laisse faire, dirent les doigts, et la saisirent par le corps. Regardez un peu, j'arrive avec ma suite, dit la grosse aiguille en tirant après elle un long fil. Mais le fil n'avait point de nœud. Les doigts dirigèrent l'aiguille vers la pantoufle de la cuisinière. Le cuir en était déchiré dans la partie supérieure, et il fallait le raccommoder. « Quel travail grossier !» dit l'aiguille. « Jamais je ne pourrai traverser. Je me brise, je me brise !» Et en effet, elle se brisa. « Ne l'ai-je pas dit ?» se criait-elle. « Je suis trop fine !»« Elle ne vaut plus rien maintenant, » dirent les doigts. Pourtant, il la tenait toujours. La cuisinière lui fit une tête de cire, et elle s'en servit pour attacher son fichu. « Me voilà devenue broche !» dit l'aiguille. « Je savais bien que j'arriverais à de grands honneurs. Lorsqu'on est quelque chose, on ne peut manquer de devenir quelque chose. » Et elle se donnait un air aussi fier que le cocher d'un carrosse d'apparat. Et elle regardait de tous côtés. « Oserais-je vous demander si vous êtes d'or ?» dit l'épingle sa voisine. « Vous avez un bel extérieur et une tête extraordinaire. Seulement, elle est un peu trop petite. Faites des efforts pour qu'elle devienne plus grosse, afin de n'avoir pas plus besoin de cire que les autres. » Et là-dessus, notre orgueilleuse se roidit et redressa si fort la tête qu'elle tomba du fichu dans l'évier que la cuisinière était en train de laver. « Où je vais donc voyager ?» dit l'aiguille. « Pourvu que je ne me perde pas. » Elle se perdit en effet. « Je suis trop fine pour ce monde-là, » dit-elle, pendant qu'elle gisait sur l'évier. « Mais je sais ce que je suis, et c'est toujours une petite satisfaction. » Et elle conservait son maintien, fière, et toute sa bonne humeur. Et une foule de choses passèrent au-dessus d'elle, en nageant, des brins de bois, des pailles et des morceaux de vieilles gazettes. « Regardez un peu comme tout ça nage, » dit-elle. « Ils ne savent pas seulement ce qui se trouve par hasard au-dessous d'eux. C'est moi, pourtant. Voilà un brin de bois qui passe. Il ne pense à rien au monde qu'à lui-même, à un brin de bois. Voilà une paille qui voyage. Comme elle tourne, comme elle s'agite. Ne va donc pas ainsi sans faire attention. Tu pourrais te cogner contre une pierre. Et ce morceau de journal, comme il se pavane. Cependant, il y a bien longtemps qu'on a oublié ce qu'il disait. Moi seule, je reste patiente et tranquille. Je sais ma valeur et je la garderai. Toujours. Un jour, elle sentit quelque chose à côté d'elle, quelque chose qui avait un éclat magnifique. et que l'aiguille prit pour un diamant. C'était un tesson de bouteille. L'aiguille lui adressa la parole, parce qu'il luisait, et se présentait comme une broche. Vous êtes sans doute un diamant, ou quelque chose d'approchant. Et alors, chacun d'eux fut persuadé que l'autre était d'un grand prix. Et leur conversation roula principalement sur l'orgueil qui règne dans le monde. J'habitais une boîte qui appartenait à une demoiselle, dit l'aiguille. Cette demoiselle était cuisinière. À chaque main, elle avait 5 doigts. Je n'ai jamais rien connu d'aussi prétentieux et d'aussi fier que ses doigts. Et cependant, il n'était fait que pour me sortir de la boîte et pour m'y remettre. Ces doigts-là étaient-ils nobles de naissance ? Demanda le tesson. Noble ? Reprit l'aiguille. Non, mais vaniteux. Ils étaient 5 frères, et tous nés doigts. Ils se tenaient orgueilleusement l'un à côté de l'autre, quoique de différentes longueurs. Le plus en dehors, le pouce, court et épais, restait à l'écart, comme il n'avait aucune articulation. Il ne pouvait s'incliner qu'en un seul endroit, mais il disait toujours que si un homme l'avait une fois perdu, il serait plus bon pour le service militaire. Le second doigt goûtait des confitures et aussi de la moutarde. Il montrait le soleil et la lune, et c'était lui qui appuyait sur la plume lorsqu'on voulait décrire. Le troisième regardait par-dessus les épaules de tous les autres. Le quatrième portait une ceinture d'or, et le petit dernier ne faisait rien du tout. Aussi en était-il extraordinairement fier. On ne trouvait rien chez eux que de la forfanterie, et encore de la forfanterie. Aussi je les ai quittés. À ce moment, on versa de l'eau dans l'évier. L'eau coula par-dessus les bords et les entraîna. « Voilà que nous avançons enfin !» dit l'aiguille. Le tesson continua sa route, mais l'aiguille s'arrêta dans le ruisseau. Je ne bouge plus. Je suis trop fine. J'ai bien droit d'en être fière. Effectivement, elle resta là, tout entière, à ses grandes pensées. Je finirai par croire que je suis née d'un rayon de soleil dont je suis fine. Il me semble que les rayons de soleil viennent me chercher jusque dans l'eau. Mais je suis si fine que ma mère ne peut pas me trouver. Si encore j'avais l'œil qu'on m'a enlevé, je pourrais pleurer du moins. Non, je ne veux pas pleurer. Ce n'est pas digne de moi. Un jour, des gamins vinrent fouiller dans le ruisseau. Ils cherchaient des vieux clous, des liards et autres richesses semblables. Le travail n'était pas ragoûtant. Mais que voulez-vous ? Ils y trouvaient leur plaisir, et chacun prend le sien où il le trouve. « Oh là là !» s'écria l'un d'eux en se piquant à l'aiguille. « En voilà une gueuse !»« Je ne suis pas une gueuse, je suis une demoiselle distinguée, » dit l'aiguille. Mais personne ne l'entendait. En attendant, la cire s'était détachée. Et l'aiguille était redevenue noire, des pieds à la tête. Mais le noir fit paraître la taille plus svelte. Elle se croyait donc plus fine que jamais. « Voilà une coquille d'œil qui arrive !» dirent les gamins. Et ils attachèrent l'aiguille à la coque. « À la bonne heure, dit-elle, voilà je dois faire de l'effet. Puisque je suis noire et que les murailles qui m'entourent sont toutes blanches. On m'aperçoit du moins. Pourvu que je n'attrape pas le mal de mer, cela me briserait. Elle n'eut pas le mal de mer et ne fut point brisée. Quelle chance d'avoir un ventre d'acier quand on voyage sur mer. C'est par là que je vaux mieux qu'un homme. Qui peut se plâter d'avoir un ventre pareil? Plus on est fin, moins on est exposé. Crac ! Fit la coque. C'est une voiture de roulier qui passait sur elle. Ciel ! Je me sens oppressé, dit l'aiguille. Je crois que j'ai le mal de mer. Je suis toute brisée. Elle ne l'était pas, quoique la voiture eût passé sur elle. Elle gisait, comme auparavant, étendue de tout son long dans le ruisseau, qu'elle y reste. Fin de l'aiguille à repriser par Hans Christian Andersen. La Reine des Abeilles par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. La Reine des Abeilles par Jacob et Wilhelm Grimm. Il y avait une fois deux fils de roi qui s'en allèrent chercher les aventures et se jetèrent dans les dérèglements et la dissipation, si bien qu'ils ne revinrent pas à la maison paternelle. Leur frère cadet, qu'on appelait le petit Nigaud, se mit à leur recherche. Mais quand il les eut retrouvés, ils se moquèrent de lui, qui, dans sa simplicité, prétendait se diriger dans un monde où ils s'étaient perdus tous deux, eux qui avaient bien plus d'esprit que lui. S'étant mis ensemble en chemin, ils rencontrèrent une fourmilière. Les deux aînés voulaient la bouleverser pour s'amuser de l'anxiété des petites fourmis et les voir courir de tous côtés en emportant leurs œufs. Mais le petit Nigaud leur dit « Laissez en paix ces animaux, je ne souffrirai pas qu'on les trouble. » Plus loin, ils trouvèrent un lac sur lequel nageaient je ne sais combien de canards. Les deux aînés en voulaient prendre un couple pour les faire rôtir, mais le cadet s'y opposa en disant « Laissez en paix ces animaux, je ne souffrirai pas qu'on les tue. » Plus loin encore, ils aperçurent dans un arbre un nid d'abeilles, si plein de miel qu'il en coulait tout le long du tronc. Les deux aînés voulaient faire du feu sous l'arbre pour enfumer les abeilles et s'emparer du miel. Mais le petit Nigaud les retint et leur dit « Laissez ces animaux en paix, je ne souffrirai pas que vous les brûliez. » Enfin, les trois frères arrivèrent dans un château dont les écuries étaient pleines de chevaux changés en pierre. On n'y voyait personne. Ils traversèrent toutes les salles et parvinrent à la fin devant une porte fermée par trois serrures. Au milieu de la porte, il y avait un petit guichet par lequel on apercevait un appartement. Ils y virent un petit homme à cheveux gris, assis devant une table. Ils l'appelèrent une fois, deux fois, sans qu'il parût entendre. À la troisième, il se leva, ouvrit la porte et sortit au-devant d'eux. Puis, sans prononcer une parole, il les conduisit à une table richement servie et, quand ils eurent bu et mangé, il les mena chacun dans une chambre à coucher séparée. Le lendemain matin, le petit vieillard vint à l'aîné des frères, et lui faisant signe de le suivre, il le conduisit devant une table de pierre sur laquelle étaient écrites trois épreuves dont il fallait venir à bout pour désenchanter le château. La première était de chercher dans la mousse, au milieu des bois, les 1000 perles de la princesse qu'on y avait semées. Et si le chercheur ne les avait pas trouvées toutes avant le coucher du soleil, sans qu'il en manquât une seule, il serait changé en pierre. L'aîné passa tout le jour à chercher les perles, mais quand arriva le soir, il n'en avait pas trouvé plus de 100. Et il fut changé en pierre, comme il était écrit sur la table. Le lendemain, le second frère entreprit l'aventure, mais il ne réussit pas mieux que son aîné. Il ne trouva que 200 perles et il fut changé en pierre. Enfin, vint le tour du petit Nigaud. Il chercha les perles dans la mousse, mais comme c'était bien difficile et bien long, il s'assit sur une pierre et se mit à pleurer. Il en était là quand le roi des fourmis, auquel il avait sauvé la vie, arriva avec 5000 de ses sujets, et il ne fallut qu'un instant à ces petits animaux pour trouver toutes les perles et les réunir en un seul tas. La seconde épreuve consistait, a repêché la clé de la chambre à coucher de la princesse qui était au fond du lac. Quand le jeune homme approcha, les canards qui l'avaient sauvé vinrent à sa rencontre, plongèrent au fond de l'eau et en rapportèrent la clé. Mais la troisième épreuve était la plus difficile. Il fallait désigner la plus jeune et la plus aimable d'entre les trois princesses endormies. Elles se ressemblaient parfaitement, et la seule chose qui put les faire reconnaître était qu'avant de s'endormir, l'aînée avait mangé un morceau de sucre, tandis que la seconde avait bu une gorgée de sirop, et que la troisième avait pris une cuillerée de miel. Mais la reine des abeilles que le jeune homme avait sauvée du feu vint à son secours. Elle alla flairer la bouche des trois princesses et resta posée sur les lèvres de celle qui avait mangé du miel. Le prince la reconnut ainsi. Alors, l'enchantement étant détruit, le château fut tiré de son sommeil magique, et tous ceux qui étaient changés en pierre reprirent la forme humaine. Le petit Nigaud épousa la plus jeune et la plus aimable des princesses, et il fut roi après la mort de son père. Quant à ses deux frères, ils épousèrent les deux autres sœurs. Fin de La Reine des Abeilles par Jacob et Wilhelm Grimm. Enregistré par Nathalie Mussard. Riquet à la houppe par Charles Perrault. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Riquet à la houppe par Charles Perrault. Il était une fois un prince si laid qu'on ne savait s'il avait forme humaine. Il était venu au monde avec une petite houppe de cheveux roux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de sa famille. Une fée qui se trouvait à sa naissance assura à la mère de Riquet à la houppe qu'en dédommagement de sa laideur, il aurait tant d'esprit qu'il pourrait en donner à la personne qu'il aimerait le plus au monde. Dans un royaume voisin, il y avait deux princesses. L'une était laide, mais studieuse et intelligente. L'autre était belle, mais aussi stupide que maladroite. Si elle parlait, c'était pour dire une sottise. Elle ne pouvait ranger quatre porcelaines sur un meuble sans en casser une. Un jour qu'elle se promenait dans le bois, elle vit venir à elle un petit homme fort laid, mais vêtu magnifiquement. C'était le jeune prince Riquet à la houppe. Il fit à la princesse des compliments sur sa beauté. « J'aimerais mieux, répondit celle-ci, être aussi laide que vous et avoir de l'esprit. »« Apprenez donc, mademoiselle, dit Riquet à la houppe, que j'ai le pouvoir de donner de l'esprit à la personne que j'aimerais le mieux. Et comme vous êtes justement cette personne, il ne tiendra qu'à vous que vous ayez de l'esprit, pourvu que vous vouliez m'épouser. Je vous donne un an pour vous y décider. » La princesse, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, accepta la proposition de Riquet à la houppe, et devint aussitôt la princesse la plus spirituelle du monde. Cependant, elle avait oublié la promesse qu'elle avait faite, et l'année était à la veille de se terminer. Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait rencontré le prince Riquet. Elle y entendit un grand bruit, et vit sous ses pieds une grande cuisine pleine de marmitons et de cuisiniers. Elle demanda pour qui on préparait un tel festin. On lui dit que c'était pour le prince Riquet à la houppe qui allait se marier le lendemain. Alors elle se souvint tout à coup qu'il y avait un an, qu'à pareil jour, elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe, et pensa tomber de son haut. Ce qui faisait qu'elle ne se le rappelait pas, c'est qu'au moment où elle fit cette promesse, elle était une bête, et qu'en recevant l'esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises. Bientôt, elle rencontra Riquet à la houppe, et elle lui avoua qu'elle ne voulait plus l'épouser. « Je vous avouerai franchement, dit-elle, que je n'ai pas encore pris de résolution là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que vous la souhaitez. « Pourquoi ce refus ? » demanda le prince. « À part ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise ?»« Nullement, répondit la princesse. « Si cela est ainsi, reprit Riquet à la houppe, je vais être heureux, car vous pouvez me rendre le plus aimable des hommes. « Comment cela se peut-il faire ? » lui dit la princesse. « Cela se fera, répondit Riquet à la houppe, si vous m'aimez assez pour souhaiter que cela soit, et, afin que vous n'en doutiez pas, sachez que la même fée qui me fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qui me plairait, vous a aussi fait don de pouvoir rendre beau celui que vous aimerez. Si cela est vrai, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince le plus aimable du monde. La princesse n'eut pas plutôt prononcé ces paroles que Riquet à la Houppe parut à ses yeux l'homme du monde le plus beau, le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Elle lui promit sur-le-champ de l'épouser, pourvu qu'elle obtînt le consentement du roi son père. Le roi, ayant su que sa fille avait beaucoup d'estime pour Riquet à la Houppe, qu'il connaissait d'ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour gendre, et les noces furent faites le lendemain, ainsi que Riquet à la Houppe l'avait bien prévu. Fin de Riquet à la Houppe par Charles Perrault, enregistré par Nathalie Mussard. Les présents des gnomes par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les présents des gnomes par Jacob et Wilhelm Grimm. Un tailleur et un forgeron voyageaient ensemble. Un soir, comme le soleil venait de se coucher derrière les montagnes, ils entendirent de loin le bruit d'une musique qui devenait plus claire à mesure qu'ils approchaient. C'était un son extraordinaire et si charmant qu'ils oublièrent toute leur fatigue pour se diriger à grands pas de ce côté. La lune était déjà levée quand ils arrivèrent à une colline sur laquelle ils virent une foule de petits hommes et de petites femmes qui dansaient en rond d'un air joyeux en se tenant par la main. Ils chantaient en même temps d'une façon ravissante, et c'était cette musique que les voyageurs avaient entendue. Au milieu se tenait un vieillard un peu plus grand que les autres, vêtu d'une robe de couleur bariolée et portant une barbe blanche qui lui descendait sur la poitrine. Les deux compagnons restaient immobiles d'étonnement en regardant la danse. Le vieillard leur fit signe d'entrer, et les petits danseurs ouvrirent leur cercle. Le forgeron entra sans hésiter. Il avait le dos un peu rond, et il était hardi comme tous les bossus. Le tailleur eut d'abord un peu de peur et se tint en arrière, mais quand il vit que tout se passait gaiement, il reprit courage et entra aussi. Aussitôt le cercle se referma, et les petits êtres se remirent à chanter et à danser en faisant des bonds prodigieux. Cependant le vieillard saisit un grand couteau qui était pendu à sa ceinture, se mit à le repasser, et quand il l'eut assez affilé, il se tourna du côté des étrangers. Ils étaient glacés d'effroi. Mais leur anxiété ne fut pas longue. Le vieillard s'empara du forgeron, et en un tour de main, il lui eut rasé entièrement les cheveux et la barbe. Puis il en fit autant au tailleur. Quand il eut fini, il leur frappa amicalement sur l'épaule, comme pour leur dire qu'ils avaient bien fait de se laisser raser, et leur peur se dissipa. Alors, il leur montra du doigt un tas de charbon qui était tout près de là, et leur fit signe d'en remplir leurs poches. Tous deux obéirent sans savoir à quoi ces charbons leur serviraient, et ils continuèrent leur route afin de chercher un gîte pour la nuit. Comme ils arrivaient dans la vallée, la cloche d'un monastère voisin sonna minuit. À l'instant même, le champ s'éteignit, tout disparut, et ils ne virent plus que la colline déserte éclairée par la lune. Les deux voyageurs trouvèrent une auberge et se couchèrent sur la paille tout habillés, mais la fatigue leur fit oublier de se débarrasser de leur charbon. Un fardeau inaccoutumé qui pesait sur eux les réveilla plus tôt qu'à l'ordinaire. Ils portèrent la main à leur poche, et ils n'en voulaient pas croire leurs yeux quand ils virent qu'elles étaient pleines, non pas de charbon, mais de lingots d'or pur. Leur barbe et leurs cheveux avaient aussi repoussé merveilleusement. Désormais ils étaient riches. Seulement le forgeron, qui, par suite de sa nature avide, avait mieux rempli ses poches, possédait le double de ce qu'avait le tailleur. Mais un homme cupide veut toujours avoir plus que ce qu'il a. Le forgeron proposa au tailleur d'attendre encore un jour et de retourner le soir près du vieillard pour gagner de nouveaux trésors. Le tailleur refusa, disant « J'en ai assez, je suis content. Je veux seulement devenir maître en mon métier et épouser mon charmant objet. » Il appelait ainsi sa promise. « Et je serai un homme heureux. » Cependant, pour faire plaisir à l'autre, il consentit à rester un jour encore. Le soir, le forgeron prit deux sacs sur ses épaules et se mit en route vers la colline. Comme la nuit précédente, il trouva les petites gens chantant et dansant. Le vieillard le rasa et lui fit signe de prendre des charbons. Il n'hésita pas à remplir ses poches et ses sacs tant qu'il y en put entrer, s'en retourna joyeux à l'auberge et se coucha tout habillé. quand mon or commencera à peser, se dit-il, je le sentirai bien. » Et il s'endormit enfin dans la douce espérance de s'éveiller le lendemain matin, riche comme un Crésus. Dès qu'il eut les yeux ouverts, son premier soin fut de visiter ses poches. Mais il eut beau fouiller dedans, il n'y trouva que des charbons tout noirs. « Au moins, pensait-il, il me reste l'or que j'ai gagné l'autre nuit. » Il y alla voir. Hélas, cet or aussi était redevenu charbon. Il porta à son front sa main noircie, et il sentit que sa tête était chauve et rase ainsi que son menton. Pourtant, il ne connaissait pas encore tout son malheur. Il vit bientôt qu'à la bosse qu'il portait par derrière, s'en était jointe une autre par devant. Il comprit alors qu'il recevait le châtiment de sa cupidité et se mit à pousser des gémissements. Le bon tailleur, éveillé par ses lamentations, le consola de son mieux et lui dit « Nous sommes compagnons, nous avons fait notre tournée ensemble. Reste avec moi, mon trésor nous nourrira tous deux. » Il tint parole, mais le forgeron fut obligé de porter toute sa vie ses deux bosses et de cacher sous un bonnet sa tête dépouillée de cheveux. Fin de Les Présents des Gnomes par Jacob et Wilhelm Grimm, enregistré par Ezoy en Belgique en mai 2010. Le Lièvre et le Hérisson par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caviraf. Le Lièvre et le Hérisson. Cette histoire, enfant, va vous paraître un mensonge. Et pourtant, elle est vraie, car mon grand-père, de qui je la tiens, ne manquait jamais, quand il me la racontait, d'ajouter « Il faut pourtant qu'elle soit vraie. Sans cela, on ne la raconterait pas. » Voici l'histoire telle qu'elle s'est passée. C'était en une matinée d'été, pendant le temps de la moisson, précisément quand le sarrasin est en fleur. Le soleil brillait dans le ciel. Le vent du matin soufflait sur les blés. Les alouettes chantaient dans l'air. Les abeilles bourdonnaient dans le sarrasin. Et les gens se rendaient à l'église dans leur toilette du dimanche. Et toutes les créatures étaient en joie. Et le hérisson aussi. Mais le hérisson se tenait devant sa porte. Il avait les bras croisés. Regardait couler le temps et chantait sa petite chanson, ni mieux ni plus mal que ne chante un hérisson par une belle matinée de dimanche. Tandis qu'il chantait ainsi à demi-voix, il eut l'idée assez hardie vraiment, pendant que sa femme lavait et habillait les enfants, de faire quelques pas dans la plaine et d'aller voir comment poussaient ses navets. Les navets étaient tout près de sa maison, et il était dans l'habitude d'en manger, lui et sa famille. Aussi, les regardait-il comme lui appartenant, aussitôt dit, aussitôt fait. Le hérisson ferma la porte derrière lui et se mit en route. Il était à peine hors de chez lui, et il allait justement tourner un petit buisson qui bordait le champ où étaient les navets, quand il rencontra le lièvre, qui était sorti dans une intention toute semblable pour aller visiter ses choux. Quand le hérisson aperçut le lièvre, il lui souhaita amicalement le bonjour. Mais le lièvre, qui était un grand personnage à sa manière, et de plus très fier de son naturel, ne rendit pas le salut au hérisson, mais il lui dit, d'un air extrêmement moqueur, « Comment se fait-il que tu cours comme cela les champs par une si belle matinée ?»« Je vais me promener, » dit le hérisson. « te promener ? Dit en riant le lièvre. Il me semble qu'il te faudrait pour cela d'autres jambes. Oh, cette réponse des plus extraordinairement au hérisson. Car il ne se fâchait jamais, excepté quand il était question de ses jambes. Précisément parce qu'il les avait torses de naissance. Tu t'imagines peut-être, dit-il au lièvre, que tes jambes valent mieux que les miennes ? Je m'en flatte, dit le lièvre. C'est ce qu'il faudrait voir, répartit le hérisson. Je parie que si nous courons ensemble, je courrai mieux que toi. Avec tes jambes torses ? Tu veux te moquer, dit le lièvre. Mais soit, je le veux bien, si tu en as tant d'envie. Que gagerons-nous ? Un beau louis d'or et une bouteille de brandevin, dit le hérisson. Accepté, dit le lièvre. Top ! Et nous pouvons en faire l'épreuve sur le champ. Non, cela n'est pas si pressé, dit le hérisson. Je n'ai encore rien pris ce matin. Je veux d'abord rentrer chez moi et manger un morceau. Dans une demi-heure, je serai au rendez-vous. Le lièvre y consent et le hérisson s'en va. En chemin, il se disait. Le lièvre se fie à ses longues jambes, mais je lui jouerai un tour. Il fait son important, mais ce n'est qu'un saut et il le paiera. En arrivant chez lui, le hérisson dit donc à sa femme « Femme, habille-toi vite, il faut que tu viennes au champ avec moi. »« Qu'y a-t-il donc ?» dit la femme. « J'ai parié avec le lièvre un beau louis d'or et une bouteille de brandevin que je courrai mieux que lui. Et il faut que tu sois de la partie. Ah, »« Bon Dieu, mon homme !» dit du haut de sa tête la femme au hérisson. « Es-tu dans ton bon sens ?» Où as-tu perdu la cervelle ? Comment prétends-tu lutter à la course avec le lièvre ? Silence, ma femme, dit le hérisson, c'est mon affaire. Ne te mêle pas de ce qui regarde les hommes. Marche, habille-toi et partons ensemble. Que pouvait faire la femme du hérisson ? Il fallait bien obéir, qu'elle en eût envie ou non. Comme ils cheminaient ensemble, le hérisson dit à sa femme « Fais bien attention à ce que je vais te dire. Nous allons courir dans cette grande pièce de terre que tu vois. Le lièvre courra dans un sillon et moi dans l'autre. Nous partirons de là-bas. Tu n'as qu'à te tenir caché dans le sillon. Et quand le lièvre arrivera près de toi, tu te montreras en lui criant « Me voilà !» Tout en disant cela, ils étaient arrivés. Le hérisson marqua à la femme la place qu'elle devait tenir et il remonta le champ. Quand il fut au bout, il y trouva le lièvre qui lui dit « Allons-nous courir ?»« Sans doute, » reprit le hérisson. « En route donc !» Et chacun se plaça dans son sillon. Le lièvre dit « Une, deux, trois !» Et il partit comme une flèche. Le hérisson fit trois pas à peu près, puis se tapit dans le sillon et y demeura quoi. Quand le lièvre fut arrivé à grandes enjambées au bout de la pièce de terre, la femme du hérisson lui cria « Me voilà !» Le lièvre fut tout étonné et s'émerveilla fort. Il croyait bien entendre le hérisson lui-même, car la femme ressemblait parfaitement à son mari. Le lièvre dit « Le diable est là pour quelque chose !» Il cria « Recommençons, encore une course !» Et il courut encore si vite que ses oreilles volaient au vent. La femme du hérisson ne bougea pas de sa place. Quand le lièvre arriva à l'autre bout du champ, le hérisson lui cria « « Me voilà !» Le lièvre, tout hors de lui, dit « Recommençons, courons encore !»« Je ne dis pas non, » reprit le hérisson. « Je suis prêt à continuer tant qu'il te plaira !» Le lièvre courut ainsi 73 fois de suite. Et le hérisson soutint la lutte jusqu'à la fin. Chaque fois que le lièvre arrivait à un bout ou l'autre du champ, le hérisson ou sa femme disait toujours « Me voilà !» À la 74e fois, le lièvre ne put achever. Au milieu des champs, il roula à terre. Le sang lui sortait par le cou et il expira sur la place. Le hérisson prit le louis d'or qu'il avait gagné et la bouteille de brandevin. Il appela sa femme pour la faire sortir de son sillon. Tous deux rentrèrent très contents chez eux. Et s'ils ne sont morts depuis, ils vivent encore. C'est ainsi que le hérisson, dans la lande de Brutehood, courut si bien qu'il fit mourir le lièvre à la peine. Et depuis ce temps-là, aucun lièvre ne s'est avisé de défier à la course un hérisson de Buxtehude. La morale de cette histoire, c'est d'abord que nul, si important qu'il s'imagine être, ne doit s'aviser de rire aux dépens d'un plus petit, fût-ce un hérisson. Et, secondement, qu'il est bon, si vous songez à prendre une femme, de la prendre dans votre condition est toute semblable à vous. Si donc vous êtes hérisson, ayez bien soin que votre femme soit hérissonne, et de même pour toutes les espèces. Fin de Le lièvre et le hérisson par Jacob et William Grimm. Enregistré par Caviraf. La petite fille aux allumettes par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. La petite fille aux allumettes par Hans Christian Andersen. Il faisait effroyablement froid. Il neigeait depuis le matin. Il faisait déjà sombre. Le soir approchait. Le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue. Elle n'avait rien sur la tête. Elle était pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures. Les voitures passées, elle chercha après ses chaussures. Un méchant gamin s'enfuyait en portant en riant l'une des pantoufles. L'autre avait été entièrement écrasée. Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait à la main un paquet. Mais ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était affairé. Par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait, et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières. De presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin du soir. C'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas errants. Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Harassée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds, mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant, et cependant elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule pourrait chauffer mes doigts. » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était! Il semblait tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement. Le poêle disparut, et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette, la lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de compotes de pommes, et voilà que la bête se met en mouvement et, avec un couteau et une fourchette fixée dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien. La flamme s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël splendide. Sur ses branches vertes brillaient mille bougies de couleur. De tous côtés pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la moins belle. L'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. « Voilà quelqu'un qui va mourir, » se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qu'il avait aimé et chéri, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que, lorsqu'on voit une étoile qui file, d'un autre côté une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette, une grande clarté se répandit, et, devant l'enfant, se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Grand-mère, emmène-moi. Oh, tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. Tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je t'en prie, ou emporte-moi. » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras et la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin. C'était devant le trône de Dieu. Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges, et elle semblait sourire. Elle était morte de froid pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Quelle sottise !» dit un sans-cœur. « Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ?» D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. C'est qu'elle ne savait pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. C'est qu'ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité. Fin de La petite fille aux allumettes par Hans Christian Andersen. Les trois frères par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Joseph Campo. Les trois frères par Jacob et Wilhelm Grimm. Un homme avait trois fils et ne possédait d'autre bien que la maison dans laquelle il demeurait. Chacun de ses fils désirait en hériter, et il ne savait comment s'y prendre pour ne faire de tort à aucun d'eux. Le mieux eût été de la vendre et d'en partager le prix entre eux, mais il ne pouvait s'y résoudre, parce que c'était la maison de ses ancêtres. Enfin, il dit à ses fils, « Allez dans le monde, faites-y vos preuves. Apprenez chacun un métier, et, quand vous reviendrez, celui qui montrera le mieux son savoir-faire héritera de la maison. » La proposition leur plut. L'aîné résolut d'être maréchal ferrant, le second barbier, et le troisième maître d'armes. Ils se séparèrent après être convenus de se retrouver chez le père à jour fixe. Chacun d'eux se mit chez un bon maître qui lui apprit son métier à fond. Le maréchal eut affairé les chevaux du roi. Il croyait bien que la maison serait pour lui. Le barbier rasa de grands seigneurs. Et il pensait bien aussi tenir la maison. Quant à l'apprenti maître d'armes, il reçut plus d'un coup de fleuret, mais il serrait les dents et ne se laissait pas décourager. Car, pensait-il, si j'ai peur, la maison ne sera pas pour moi. Quand le temps fixé fut arrivé, ils revinrent tous les trois chez leur père. Mais ils ne savaient comment faire naître l'occasion de montrer leur talent. Comme ils causaient entre eux de leur embarras, il vint à passer un lièvre courant dans la plaine. « Parbleu ! » dit le barbier. « Celui-ci vient comme marée en carême. » Saisissant son plat à barbe et son savon, il prépara de la mousse jusqu'à ce que l'animal fût tout prêt. Et, courant après lui, il le savonna à la course et lui rasa la moustache sans l'arrêter, sans le couper le moins du monde, ni lui déranger un poil sur le reste du corps. « Voilà qui est bien, » dit le père. « Si tes frères ne font pas mieux, la maison t'appartiendra. » Un instant après, passa une voiture de poste lancée à fond de train. « Mon père, » dit le maréchal, « vous allez voir ce que je sais faire. » Et, courant après la voiture, il enleva à un des chevaux en plein galop les quatre fers de ses pieds et lui en remit quatre autres. « Tu es un vrai gaillard, » dit le père, « et tu vaux ton frère. Je ne sais en vérité comment décider entre vous deux. » Mais le troisième dit, « Mon père, accordez-moi aussi mon tour. » Et, comme il commençait à pleuvoir, il tira son épée et l'agita en tous sens sur sa tête, de manière à ne pas recevoir une seule goutte d'eau. La pluie augmenta et tomba enfin comme si on l'eût versé à seau. Il para toute l'eau avec son épée et resta jusqu'à la fin aussi peu mouillé que s'il eût été à couvert dans sa chambre. Le père, voyant cela, ne put cacher son étonnement. « Tu l'emportes, » dit-il, « la maison est à toi. » Les deux autres, pleins d'une égale admiration, approuvèrent le jugement du père. Et, comme ils s'aimaient beaucoup entre eux, ils restèrent tous trois ensemble dans la maison à exercer leur état, et ils y gagnèrent beaucoup d'argent et vécurent heureux jusqu'à un âge avancé. L'un d'eux étant mort alors, les deux autres en prirent un tel chagrin qu'ils tombèrent malades et moururent aussi. Et, à cause de leur habileté commune et de leur affection réciproque, on les enterra tous trois dans le même tombeau. Fin des trois frères par Jacob et Wilhelm Grimm. Enregistré par Joseph Campo. www.jbcampo.com. La plume et l'encrier par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La plume et l'encrier, par Hans Christian Andersen. « Que de choses dans un encrier !» disait quelqu'un qui se trouvait chez un poète. « Que de belles choses ! Quelle sera la première œuvre qui en sortira ? Un admirable ouvrage, sans doute. »« C'est tout simplement admirable !» répondit aussitôt la voix de l'encrier. « Tout ce qu'il y a de plus admirable » répéta-t-il en prenant à témoin la plume et les autres objets placés sur le bureau. « Que de choses en moi ! On a quelque peine à le concevoir. Il est vrai que je l'ignore moi-même et que je serais fort embarrassé de dire ce qui en sort quand une plume vient de s'y plonger. Une seule de mes gouttes suffit pour une demi-page. Que ne contient pas celle-ci ? C'est de moi que naissent toutes les œuvres du maître d'océan. C'est dans moi qu'il puise ses considérations subtiles, ses héros aimables, ses paysages séduisants qui emplissent tant de livres. Je n'y comprends rien, et la nature me laisse absolument indifférent. Mais qu'importe ! Tout cela n'en a pas moins sa source en moi, et cela me suffit. « Vous avez parfaitement raison de vous en contenter, » répliqua la plume. « Cela prouve que vous ne réfléchissez pas, car si vous aviez le don de la réflexion, vous comprendriez que votre rôle est tout différent de ce que vous le croyez. Vous fournissez la matière qui me sert à rendre visible ce qui vit en moi. Vous ne contenez que de l'encre, l'ami, pas autre chose. C'est moi, la plume, qui écrit. Il n'est pas un homme qui le conteste, et cependant, beaucoup parmi les hommes s'entendent à la poésie autant qu'un vieil encrier. Vous avez le verbe bien haut pour une personne d'aussi peu d'expérience. Car vous ne datez guère que d'une semaine, mamie, et vous voici déjà dans un lamentable état. Vous imagineriez-vous par hasard que mes œuvres sont les vôtres? Oh, la belle histoire! Plume d'oie ou plume d'acier, vous êtes toutes les mêmes et ne valez pas mieux les unes que les autres. À vous le soin machinal de reporter sur le papier ce que je renferme quand l'homme vient me consulter. Que m'empruntera-t-il la prochaine fois? Je serais curieux de le savoir. Pâteau, conclut la plume. Cependant, le poète était dans une vive surexcitation d'esprit lorsqu'il rentra le soir. Il avait assisté à un concert et subi le charme irrésistible d'un incomparable violoniste. Sous le jeu inspiré de l'artiste, l'instrument s'était animé et avait exhalé son âme en débordantes harmonies. Le poète avait cru entendre chanter son propre cœur, chanter avec une voix divine comme en ont parfois des femmes. On eût dit que tout vibrait dans ce violon, les cordes, la chanterelle, la caisse, pour arriver à une plus grande intensité d'expression. Bien que le jeu du virtuose fût d'une science extrême, l'exécution semblait n'être qu'un enfantillage. À peine voyait-on parfois l'archet effleurer les cordes. C'était à donner à chacun l'envie d'en faire autant avec un violon qui paraissait chanter de lui-même, un archet qui semblait aller tout seul. L'artiste était oublié, lui, qui pourtant les faisait ce qu'ils étaient, en faisant passer en eux une parcelle de son génie. Mais le poète se souvenait, et s'asseyant à sa table, il prit sa plume pour écrire ce que lui dictaient ses impressions. Combien ce serait folie à l'archette et au violon de s'enorgueillir de leur mérite. Et cependant nous l'avons, cette folie, nous autres poètes, artistes, inventeurs ou savants. Nous chantons nos louanges, nous sommes fiers de nos œuvres, et nous oublions que nous sommes des instruments dont joue le Créateur. Honneur à lui seul. Nous n'avons rien dont nous puissions nous enorgueillir. Sur ce thème, le poète développa une parabole qu'il intitula « L'ouvrier et les instruments ». « À bon entendeur, salut, mon cher, » dit la plume à l'encrier après le départ du maître. « Vous avez bien compris ce que j'ai écrit et ce qu'il vient de relire tout haut ?»« Naturellement, puisque c'est chez moi que vous êtes venu le chercher, la belle. Je vous conseille de faire votre profit de la leçon, car vous ne pêchez pas d'ordinaire par excès de modestie. Mais vous n'avez pas même senti qu'on s'amusait à vos dépens. » « Vieille cruche, » répliqua la plume. « Vieux balai, » riposta l'encrier. Et chacun d'eux resta convaincu d'avoir réduit son adversaire au silence par des raisons écrasantes. Avec une conviction semblable, on a la conscience tranquille et l'on dort bien. Aussi s'endormirent-ils tous deux du sommeil du juste. Cependant, le poète ne dormait pas, lui. Les idées se pressaient dans sa tête comme les notes sous l'archet du violoniste, tantôt fraîches et cristallines comme les perles égrenées par les cascades, tantôt impétueuses comme les rafales de la tempête dans la forêt. Il vibrait tout entier sous la main du maître suprême. Honneur à lui seul. Fin de La plume et l'encrier, par Hans Christian Andersen, enregistré par Ezois, en Belgique, en mai 2010. L'ours et le roitelet, par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. L'ours et le roitelet, par Jacob et Wilhelm Grimm. Un jour, l'ours et le loup se promenaient dans le bois. L'ours entendit le chant d'un oiseau. « Frère loup, » demanda-t-il. « Quel est ce beau chanteur ?»« C'est le roi des oiseaux, » répondit le loup. « Il faut le saluer. » C'était en effet le roitelet. « S'il en est ainsi, » dit l'ours, « sa majesté doit avoir un palais. Fais-le-moi voir. »« Cela n'est pas si facile que tu penses, » répliqua le loup. « Il faut attendre que la reine soit rentrée. » La reine arriva sur ses entrefaites. Elle et le roi tenaient dans leur bec des vermisseaux pour nourrir leurs petits. L'ours les aurait volontiers suivis, mais le loup le retint par la manche en disant « Non, Attendons qu'ils soient ressortis. Ils remarquèrent seulement l'endroit où se trouvait le nid et passèrent leur chemin. Mais l'ours n'avait pas de cesse qu'il n'eût vu le palais du roi des oiseaux. Il ne tarda pas à y retourner. Le roi et la reine étaient absents. Il risqua un coup d'œil et vit 5 ou 6 petits couchés dans le nid. « Est-ce là le palais ? » s'écria-t-il. « C'est un triste palais. Et pour vous ? Vous n'êtes pas des fils de rois, mais d'ignobles petites créatures. » Les petits roitelets furent très courroucés en entendant cela, et ils crièrent de leur côté. « Non, ours, nous ne sommes pas ce que tu dis. Nos parents sont nobles. Tu paieras cher cette injure. » À cette menace, l'ours et le loup, pris de peur, se réfugièrent dans leur trou. Mais les petits roitelets continuaient à crier et à faire du bruit. Ils dirent à leurs parents qui leur rapportaient à manger, « L'ours est venu nous insulter. Nous ne bougerons pas d'ici et nous ne mangerons pas une miette jusqu'à ce que vous ayez rétabli notre réputation. »« Soyez tranquilles, leur dit le roi, votre honneur sera réparé. » Et volant avec la reine jusqu'au trou de l'ours, il lui cria, « Vieux grognard, pourquoi as-tu insulté mes enfants ? Il t'en cuira. Car nous allons te faire une guerre à mort. » La guerre était déclarée. L'ours appela à son secours l'armée des quadrupèdes, le bœuf, la vache, l'âne, le cerf, le chevreuil et tous leurs pareils. De son côté, le roitelet convoqua tout ce qui vole dans les airs, non seulement les oiseaux, grands et petits, mais encore les insectes ailés, tels que mouches, cousins, abeilles et frelons. Comme le jour de la bataille approchait, le roitelet envoya des espions pour savoir quel était le général de l'armée ennemie. Le cousin était le plus fin de tous. Il vola dans le bois à l'endroit où l'ennemi se rassemblait et se cacha sous une feuille d'un arbre auprès duquel on délibérait. L'ours appela le renard et lui dit « Compère, tu es le plus rusé de tous les animaux. C'est toi qui seras notre général. »« Volontiers, dit le renard. Mais de quel signal conviendrons-nous ? » Personne ne dit mot. « Eh bien, continua-t-il, j'ai une belle queue longue et touffue comme un panache rouge. Tant que je la tiendrai levée en l'air, les choses iront bien et vous marcherez en avant. Mais si je la baisse par terre, ce sera le signal du sauve-qui-peut. » Le cousin, qui avait bien écouté, revint raconter tout de point en point au roitelet. Au lever de l'aurore, les quadrupèdes accoururent sur le champ de bataille en galopant si fort que la terre en tremblait. Le roitelet apparut dans les airs avec son armée qui bourdonnait, criait, volait de tous côtés de façon à donner le vertige. On s'attaqua avec fureur, mais le roitelet dépêcha le frelon avec ordre de se planter sous la queue du renard et de le piquer de toutes ses forces. Au premier coup d'aiguillon, le renard ne put s'empêcher de faire un bond, mais en tenant toujours sa queue en l'air. Au second, il fut contraint de la baisser un instant, mais au troisième, il n'y put plus tenir, et il la serra entre ses jambes en poussant des cris perçants. Les quadrupèdes, voyant cela, crurent que tout était perdu, et commencèrent à s'enfuir chacun dans son trou. Et ainsi les oiseaux gagnèrent la bataille. Le roi et la reine volèrent aussitôt à leur nid et s'écrièrent « Nous sommes vainqueurs, enfants, buvez et mangez joyeusement !»« Non !» dirent les enfants, il faut d'abord que l'ours vienne nous faire des excuses et déclarer qu'il reconnaît notre noblesse. Le roitelet vola donc au trou de l'ours et lui dit, « Vieux grognard, tu vas venir faire des excuses devant le nid de mes enfants et leur déclarer que tu reconnais leur noblesse. Autrement, gare à tes côtes !» L'ours, effrayé, arriva en rampant et fit les excuses demandées. Alors enfin, les petits roitelets furent apaisés et ils festinèrent gaiement toute la soirée. Fin de L'Ours et le Roitelet par Jacob et Wilhelm Grimm. Enregistré par Nathalie Mussard. Grand Klaus et Petit Klaus par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Grand Klaus et Petit Klaus par Hans Christian Andersen. Dans un village vivaient deux paysans qui portaient le même nom. Ils s'appelaient tous deux Klaus, mais l'un avait 4 chevaux, l'autre n'en avait qu'un. pour les distinguer l'un de l'autre, on avait nommé le premier Grand Klaus, bien qu'ils fussent de même taille, et le second, qui ne possédait qu'un cheval, Petit Klaus. Écoutez bien maintenant ce qui leur arriva, car c'est une histoire véritable, s'il en fut jamais. Toute la semaine, le Petit Klaus travaillait pour le Grand à la charrue avec son unique cheval. En retour, Grand Klaus venait l'aider avec ses quatre bêtes, mais une fois la semaine seulement, le dimanche. « Oupa ! » comme Petit Klaus faisait alors claquer son fouet pour exciter ses cinq chevaux, car ce jour-là, il les regardait tous comme siens. Un dimanche, qu'il faisait le plus beau soleil, les cloches sonnaient à toute volée, et une foule de gens, parés et endimanchés, leurs livres de prières sous le bras, se rendaient à l'église, lorsqu'ils passaient à côté du champ où Petit Klaus conduisait la charrue avec les cinq chevaux. Dans sa joie, et pour faire parade d'un si bel attelage, il faisait le plus de bruit qu'il pouvait avec son fouet et s'écriait à tue-tête. « Hu ! En avant, tous mes chevaux !»« Qu'est-ce que tu dis donc là ?» interrompit Grand Klaus. « Tu sais bien qu'un seul de ces chevaux t'appartient ?» Lorsqu'il vint encore à passer du monde, Petit Klaus oublia la remontrance et s'écria de nouveau « Hu ! En avant, tous mes chevaux !»« Je te prie de cesser, » dit Grand Klaus. « Si cela t'arrive encore une fois, je donnerai un tel coup sur la tête de ton cheval que je l'assommerai. Alors, tu n'auras plus de cheval du tout. »« Sois tranquille, cela ne m'arrivera plus, » répondit Petit Klaus. Il vint à passer un riche paysan qui lui fit de la tête un signe amical. Petit Klaus se sentit très flatté. Il pensa que cela lui serait beaucoup d'honneur que ce paysan pût croire qu'il possédait les cinq chevaux attelés à sa charrue. Il fit de nouveau claquer son fouet en criant encore plus fort que les autres fois. « Hu donc ! En avant, tous mes chevaux !»« Je t'apprendrai à dire hu à tes chevaux !» dit Grand Klaus. Il saisit une bêche et en donna un coup si violent sur la tête du cheval de Petit Klaus que la pauvre bête tomba sur le flanc pour ne plus se relever. « Ouh ouh ouh !» fit Petit Klaus qui se mit à pleurer. « Voilà que je n'ai plus de cheval !» Mais bientôt, il se dit qu'il ne fallait pas tout perdre. Il écorcha la bête, en fit bien sécher au vent la peau, il la mit dans un sac, qu'il hissa sur son dos, et il s'enfuit vers la ville pour vendre sa peau de cheval. Il avait un long bout de chemin à parcourir. Il lui fallait traverser une grande et sombre forêt. Pendant qu'il y était engagé, survint un ouragan qui obscurcit le ciel, et Petit Klaus s'égara tout à fait. Lorsqu'il finit par retrouver la route, il était déjà très tard. Il ne pouvait plus, avant la nuit, arriver à la ville ni retourner chez lui. Un peu plus loin, il aperçut une grande maison de ferme. Les volets étaient fermés, mais les rayons de lumière passaient à travers les fentes. « On m'accordera bien un gîte pour la nuit, » pensa-t-il, et il alla frapper à la porte. Une paysanne, la maîtresse de maison, vint ouvrir. Klaus présenta sa demande, mais elle lui répondit qu'il eut à passer son chemin, que son mari n'était pas là et qu'en son absence, elle ne recevait pas d'étrangers. « Il me faudra donc rester la nuit à la belle étoile, » dit Petit Klaus. La paysanne, sans lui répondre, lui ferma la porte au nez. Près de la maison, il y avait une grange, contre laquelle s'élevait un hangar couvert d'un toit plat de chaume. « Je m'en vais grimper là, » se dit Klaus. « Cela vaudra mieux que de coucher par terre, et même ce chaume me fera un excellent lit. » Un couple de cigognes niche sur ce toit, mais j'espère bien que, si je me conduis convenablement à leur égard, elles ne viendront pas me donner des coups de bec quand je dormirai. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se hissa sur le toit, et, après s'être tourné et retourné comme un chat, il s'y installa commodément pour la nuit. Voilà qu'il aperçoit que les volets de la maison sont trop courts vers le haut, de façon que, de l'endroit où il est, il voit tout ce qui se passe dans la grande chambre du rez-de-chaussée. Il y avait là une table couverte d'une belle nappe, sur laquelle se trouvait un rôti, un superbe poisson et une bouteille de vin. La paysanne et le sacristain du village étaient assis devant la table, personne d'autre. L'hôtesse versait du vin au sacristain, qui s'apprêtait à manger une tranche du poisson, un brochet, son mets favori. Klaus, qui n'avait pas soupé, tendait le cou et regardait avidement ses savoureuses victuailles. Et ne voilà-t-il pas qu'il aperçoit encore un magnifique gâteau tout doré qui était destiné au dessert. Quel régal cela faisait! Tout à coup, on entend le pas d'un cheval. Il s'arrête devant la maison, il ramenait le fermier, le mari de la paysanne. C'était un excellent homme, mais un jour, étant gamin, il avait été battu par un sacristain qui le croyait coupable d'avoir sonné les cloches à une heure indue. C'était un de ses camarades qui avait fait le tour. Depuis ce jour, notre fermier avait juré une haine féroce à toute la gent des sacristains. Il lui suffisait d'en apercevoir un pour se mettre en fureur. Si le sacristain était allé dire bonsoir à la fermière, c'est qu'il savait le maître de la maison absent. La paysanne, qui ne partageait pas les préjugés de son mari, lui avait préparé ce beau festin. Lorsqu'ils entendirent les pas du cheval et qu'ils reconnurent le fermier à travers les fentes du volet, ils furent très effrayés, et la paysanne supplia le sacristain de se cacher dans une grande caisse vide. Il le fit volontiers, il savait que le brave fermier avait la faiblesse de ne pas supporter la vue d'un sacristain. Puis la femme cacha vite dans le four les mets, le gâteau et la bouteille de vin. Si le mari avait vu tous ces apprêts, il aurait demandé ce que cela signifiait, il aurait fallu mentir, et peut-être se serait-elle troublée. « Quel malheur !» s'écria petit Klaus, du haut de son toit, lorsqu'il vit disparaître des plats appétissants. « Eh ! Qui est donc là ? » dit le fermier, entendant cette exclamation. Il leva la tête et aperçut petit Klaus. Celui-ci raconta ce qui lui était arrivé et demanda la permission de rester sur le toit de chaume. « Descendons, plutôt !» répondit le fermier. « Tu dormiras dans la maison, et puis tu ne refuseras sans doute pas de souper avec moi. » La femme le reçut avec force sourire et démonstration de joie. Elle remit la nappe sur la table et leur servit un grand plat rempli de soupe. Le fermier, qui avait très faim, se mit à manger de bon appétit. Petit Klaus ne trouvait pas la soupe mauvaise, mais il pensait avec regret aux succulents rôtis, aux poissons, aux gâteaux qu'il avait vus disparaître dans le four. Il avait placé sous la table le sac avec la peau de cheval, et il avait ses pieds dessus. Dans son dépit de ne rien goûter de toutes ces bonnes choses, il eut un mouvement d'impatience, et il appuya brusquement du pied sur le sac. La peau, fraîchement séchée, craqua bruyamment. « Psst, psst !» dit petit Klaus, comme s'il voulait faire taire quelqu'un. Mais en même temps, il donna un nouveau coup de pied au sac, et on entendit un craquement encore plus fort. « Tiens !» dit le paysan. « Qu'as-tu donc là dans ce sac ?»« C'est un magicien !» répondit petit Klaus. « Il m'apprend, dans son langage, que nous devrions laisser la soupe et manger le rôti, le poisson et le gâteau, que par enchantement il a fait venir dans le four. « N'est-ce pas une plaisanterie ? » s'exclama le fermier. Et il sauta sur la porte du four et resta les yeux écarquillés devant les mets friands et succulents que sa femme y avait cachés, mais qu'il crut rapporter là par un magicien. La fermière fit également l'étonnée et se garda bien de risquer une observation. Elle servit sur la table rôti, poisson et gâteau, et les deux hommes s'en régalèrent à cœur joie. Voilà que Klaus donna de nouveau en tapinois un coup de pied à son sac. Le même craquement se fit entendre. « Que dit-il encore ? » demanda le fermier. « Il me conte, répondit le petit Klaus, qu'il ne veut pas que nous ayons soif. Toujours par enchantement, il a fait arriver à travers les airs trois bouteilles d'excellent vin qui sont quelque part dans un coin, ici, dans la chambre. » Le fermier chercha et aperçut en effet les bouteilles que la pauvre femme fut contrainte de déboucher et de placer sur la table. Les deux hommes s'en versèrent de copieuses rasades, et le fermier devint très joyeux. « Dis donc » demanda-t-il, « ton magicien peut-il aussi évoquer le diable ? En ce moment, je me sens de si bien et de si bonne humeur, rien ne me divertirait mieux que de voir Maître Belzébuth faire ses grimaces. « Oh oui !» répondit Klaus, « mon sorcier fait tout ce que je lui demande. N'est-il pas vrai ? » continua-t-il en heurtant son sac du pied. « Tu entends ? Il dit oui. Mais il ajoute que le diable est si laid que nous ferions mieux de ne pas demander à le voir. « Oh ! Je n'ai pas peur aujourd'hui !» dit le fermier. « À qui peut-il bien ressembler, Satan ?» Il a tout à fait l'air d'un sacristain. « Ah ! » dit le paysan. « Dans ce cas, il est affreux, en effet. Il faut que tu saches que j'ai les sacristains en horreur. Tant pis, cependant. » Comme je suis prévenu que ce n'est pas un vrai sacristain, mais bien le diable en personne, sa vue ne me fera pas une impression trop désagréable. Vidons encore la dernière bouteille pour nous donner du courage. Recommande toutefois qu'il ne m'approche pas de trop près. Voyons, es-tu bien décidé ? Dit petit Klaus. Alors je vais consulter mon magicien. Il remua son sac et tint son oreille contre. Eh bien ? Dit le paysan. Il dit que vous pouvez aller ouvrir le grand coffre qui est là-bas dans le coin. Vous y verrez le diable qui s'y tient blotti. Mais tenez bien le couvercle et ne le soulevez pas trop, pour que le malin ne s'échappe pas. « En avant !» dit le fermier. « Viens m'aider à tenir ferme le couvercle !» Ils allèrent vers la caisse où le pauvre sacristain était accroupi, tout tremblant de peur. Le paysan leva un peu le dessus et regarda. « Oh ! » s'écria-t-il en faisant un saut en arrière. « Je l'ai donc vu, cet affreux Satan. En effet, c'est notre sacristain tout vif. Oh, quelle horreur !» Pour se remettre de son émotion, le fermier voulut boire encore un coup. Comme les trois bouteilles étaient vides, il alla en chercher une à la cave. Ils restèrent longtemps ainsi à trinquer et à jaser. « Ce magicien, dit enfin le paysan, il faut que tu me le vendes. Demande le prix que tu veux. Tiens, je te donnerai un boisseau plein d'écus. »« Non, je ne puis pas, répondit petit Klaus. Pense donc quel profit je puis tirer de cet obligeant sorcier qui fait tout ce que je veux. »« Voyons, fais-moi cette amitié, dit le paysan. Si tu ne me le donnes pas, je me consumerai de regrets. » Allons, sois. Puisque tu as montré ton bon cœur en m'offrant un gîte pour la nuit, je ferai ce sacrifice. Mais tu sais, j'aurai un plein boisseau d'écus et la bonne mesure. C'est entendu, dit le paysan. Il faut aussi que tu emportes cette caisse là-bas. Je ne veux plus la voir une minute à la maison. On ne sait pas, peut-être le diable y est-il resté logé. Le marché conclu, petit Klaus voulut absolument partir au milieu de la nuit, de peur que le paysan ne vînt à changer d'avis. Il livra sa marchandise, son sac avec la peau, et reçut tout un boisseau de beaux écus trébuchants. Pour qu'il pût emporter la caisse, le paysan lui donna en outre une petite charrette. Petit Klaus y chargea son argent et le coffre contenant le sacristain. Après une cordiale poignée de main échangée avec le paysan, il s'en alla, reprenant le chemin de sa maison. Il traversa de nouveau la grande forêt et arriva sur les bords d'un fleuve large et profond, dont le courant était si rapide que les plus forts nageurs avaient bien de la peine à le remonter. On y avait construit tout nouvellement un pont. Petit Klaus s'y engagea, poussant sa charrette. Au milieu, il s'arrêta et dit tout haut, pour que le sacristain pût l'entendre. « Ma foi, j'en ai assez de traîner cette sotte caisse, elle est lourde comme s'il était pleine de pierres. Je m'en vais la jeter à l'eau. Si elle surnage, je la repêcherai bien quand elle passera devant ma maison. » Si elle va au fond, la perte ne sera pas grande. » Et il empoigna le coffre et commença à le soulever, comme s'il voulait le placer sur le parapet et le précipiter dans la rivière. « Non, non, pitié !» s'écria le sacristain. « Laisse-moi sortir auparavant !»« Ouhou !» dit petit Klaus, comme s'il avait bien peur. « Le diable est resté enfermé dedans. C'est maintenant que je vais certainement le lancer à l'eau pour qu'il se noie et que le monde en soit débarrassé. » « Au nom du ciel, non, non !» hurla le sacristain. « Je te donnerai un plein boisseau d'écus si tu me laisses sortir. »« Cela, c'est une autre chanson, » dit Klaus. Et il ouvrit la caisse. Le sacristain, bien que tout courbaturé, s'élança dehors et saisissant le coffre, il le jeta à la rivière et poussa un profond soupir de soulagement. Puis il emmena Klaus dans sa maison et lui remit un boisseau rempli d'argent. Klaus le chargea sur sa charrette à côté de l'autre, puis il rentra chez lui. « Je n'aurais jamais rêvé que mon cheval me rapporterait une telle somme, » se dit-il lorsqu'il eut mis en tas par terre toutes les belles pièces qu'il avait gagnées. « Comme grand Klaus sera vexé quand il saura qu'au lieu de me faire du tort, c'est à lui que je dois d'être devenu riche. Cependant, je ne veux pas lui conter l'affaire directement, prenant un billet pour la lui apprendre. » Il envoya un gamin emprunter un boisseau chez grand Klaus. Que peut-il bien avoir à mesurer ? Se dit ce dernier, et il enduisit de poids le fond du boisseau pour qu'il y restât attaché quelques parcelles de ce qu'on allait y mettre. Et en effet, lorsqu'on lui rapporta le boisseau, il trouva au fond 3 shillings d'argent tout flambant neuf. Qu'est-ce cela ? Se dit grand Klaus, et il courut aussitôt chez petit Klaus. Comment ? Lui demanda-t-il. As-tu donc tant d'argent que tu en remplisses un boisseau ? Oh ! « C'est ce qu'on m'a donné hier soir en ville pour ma peau de cheval. Les peaux ont haussé de prix comme cela ne s'est jamais vu. »« Quelle bonne affaire je t'ai fait faire !» dit grand Klaus. Et il retourna au plus vite chez lui, prit une hache et en abattit ses 4 chevaux. Il les écorcha proprement et s'enfuit avec les peaux à la ville. « Peaux, des peaux, qui veut acheter des peaux ? » criait-il à travers les rues. Les tanneurs, les cordonniers arrivèrent et lui demandèrent son prix. « Un boisseau plein d'écus pour chacune, » répondit-il. « Tu veux te moquer ou tu es fou ? » s'écrièrent-ils. « Crois-tu que nous donnions l'argent par boisseau ?» Il s'en alla plus loin, beuglant toujours plus fort. « Peau, des peaux, qui en veut des peaux ? Il arriva encore des gens pour les lui acheter. À tous, il demandait un boisseau rempli d'écus pour chaque pot. Bientôt, il ne fut question dans toute la ville que ce mauvais plaisant qui voulait autant de peaux de cheval que d'une maison. « Il se moque de nous, » dirent-ils tous. Les cordonniers prirent leur tire-pied, les tanneurs leur tablier, ils se jetèrent sur lui et le resserrent de toute leur force. « Peau des peaux » criaient-ils pour se moquer de lui à leur tour. « Nous allons te tanner la peau et tu pourras la vendre avec les autres. Ce sera du beau maroquin écarlate. » Et en effet, le sang coulait sous les coups furieux qu'il recevait. Il s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes et, tout moulu, tout meurtri, s'échappa enfin de la ville. « C'est bon, » se dit-il, quand il fut de retour chez lui. « Petit Klaus me payera cela. Je m'en vais le tuer. » Or, en ce même jour, la grand-mère de Petit Klaus venait de trépasser. Elle n'avait guère été tendre pour lui. Elle grondait toujours, mais il n'en était pas moins très affligé. Et il prit le corps de la vieille femme et le plaça dans son propre lit qu'il avait préalablement bien chauffé à la bassinoire. Il pensait qu'elle n'était peut-être qu'engourdie et que la chaleur la ranimerait. Il alluma un bon feu dans le poêle et il s'assit lui-même pour passer la nuit sur un fauteuil, dans un coin. Voilà qu'au milieu de la nuit, la porte s'ouvre et grand Klaus entre une hache à la main. Il savait où se trouvait le lit de petit Klaus. Il s'y dirige, sur la pointe des pieds, et frappe du côté de l'oreiller un terrible coup avec sa hache. Il fend la tête de la morte. « Voilà qui est fait, » dit-il. « Maintenant, tu ne te railleras plus de moi. » Et il rentre tout gaiement chez lui. « Quel mauvais caractère il a, ce grand Klaus !» se dit le petit, qui n'avait pas bougé, ni soufflé mot. « Il voulait me tuer !» Et si ma grand-mère n'avait pas été morte, c'est elle qui l'aurait assassinée. Il rajusta avec art la tête de sa grand-mère et cacha la blessure sous un bonnet à dentelle et à ruban. Il mit à la morte ses vêtements du dimanche. Puis il alla emprunter le cheval de son voisin et l'attela à sa carriole. Il y plaça au fond le corps de la vieille femme, monta sur le siège et partit pour la ville. Au lever du soleil, il y arriva et s'arrêta devant une grande auberge. L'aubergiste était très riche, et c'était un excellent homme. Mais il avait un terrible défaut. Il était colère à l'excès. À la moindre contrariété, il éclatait, comme s'il n'avait été que poudre et salpêtre. Il était déjà levé et debout sur le seuil de la porte. « Bonjour, » dit-il à petit Klaus, « te voilà sorti de bien bonne heure. »« Oui, » répondit l'autre, « je m'en viens à la ville avec ma grand-mère pour faire des emplettes. » Mais elle ne veut pas descendre de la voiture. Elle est très entêtée. Cependant, si vous voulez lui porter un verre de bon hydromel, je pense qu'elle le prendra volontiers. Mais il faut que vous lui parliez de votre voix la plus forte. Elle n'entend pas bien. « Oh ! Elle ne refusera pas mon hydromel !» dit l'aubergiste. Et tandis que petit Klaus entrait dans la salle, il alla remplir un grand verre à son meilleur tonnelet et le porta à la vieille femme morte qu'il voyait assise debout au fond de la carriole. « Voilà un bon verre d'hydromel que vous envoie votre petit-fils » cria-t-il. Pas de réponse. La morte ne bougea pas. « N'entendez-vous pas ? » répéta-t-il en élevant encore la voix, au point que les vitres en tremblèrent. « Votre petit-fils vous envoie ce verre d'hydromel. Jamais vous en aurez bu de meilleur. » Et il recommença encore deux ou trois fois. À la fin, la colère lui monta au cerveau en voyant dédaigner son hydromel, dont il était si fier, il jeta, dans sa fureur, le verre à la tête de la vieille qui, sous le choc, tomba sur le côté. Petit Klaus, qui était aux aguets, derrière la fenêtre, se précipita dehors et, empoignant l'aubergiste au collet, « Coquin ! » cria-t-il, « tu as tué ma grand-mère ! Regarde le trou que tu lui as fait au front !»« Quel malheur ! » dit l'aubergiste, en se tordant les mains de désespoir. Voilà ce que c'est d'être emporté à violent. Écoute bien, cher petit Klaus, ne me dénonce pas, et je te donnerai un boisson plein d'argent, et je ferai enterrer ta grand-mère avec autant de pompe que si c'était la mienne. Mais jamais tu ne souffleras mot sur ce qui vient de se passer. La justice me couperait le cou, et c'est tout ce qu'il y a de plus désagréable. » Petit Klaus accepta le marché, reçut un boisseau plein de beaux écus neufs, et sa grand-mère fut magnifiquement enterrée. Lorsqu'il fut de retour chez lui avec son magot, il envoya de nouveau un gamin emprunter chez grand Klaus un boisseau. « Quelle est cette plaisanterie ? » se dit grand Klaus. « Est-ce que je ne l'ai pas tué de ma propre main ? Je m'en vais aller voir moi-même ce que cela signifie. » Et il accourut avec le boisseau. Il resta bouche béante et les yeux écarquillés lorsqu'il aperçut Petit Klaus qui avait mis tout son trésor en un seul tas et qui y plongeait les mains avec amour. « Cela t'étonne de me voir encore en vie ?» dit Petit Klaus. « Mais tu t'es trompé et tu as assommé ma grand-mère. J'ai vendu son corps à un médecin qui m'en a donné plein un boisseau d'argent. » « C'est un fameux prix !» dit Grand Klaus. Et il courut chez lui encore plus vite qu'il n'était venu, prit une hache et tua d'un coup sa pauvre grand-mère. Il chargea son corps sur une voiture et s'en fut à la ville trouver un apothicaire de sa connaissance pour lui demander s'il ne savait pas un médecin qui voulut acheter un cadavre. « Un cadavre !» s'écria l'apothicaire. « D'où le tenez-vous et comment avez-vous le droit de le vendre ?»« Oh, il est bien à moi !» répondit Grand Klaus. « C'est le corps de ma grand-mère. Je viens de la tuer. Elle n'avait plus grand amusement dans ce monde, la pauvre femme. Et l'on m'en donnera un boisseau plein d'écus. »« Dieu de miséricorde !» dit l'autre. « Quelles abominables sornettes vous nous contez ! Ne répétez à personne ce que vous venez de me dire. Vous pourriez y perdre votre tête. » Et lui expliqua que sa grand-mère avait beau être infirme et s'ennuyer sur la terre, il n'en avait pas moins commis un horrible meurtre, et la justice, si elle l'apprenait, le punirait de mort. Grand Klaus fut pris d'effroi. Il sortit à la hâte, sans dire adieu, sauta sur la voiture, fouetta les chevaux et s'en retourna chez lui au galop. L'apothicaire crut qu'il était simplement devenu fou et qu'il n'avait pas fait ce dont il s'était vanté. Il le laissa partir sans informer la justice. Fin de Grand Klaus et Petit Klaus par Hans Christian Andersen. Enregistré par Caroline Sophie. Le roi de la montagne d'or par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Le roi de la montagne d'or par Jacob et Wilhelm Grimm. Un certain marchand avait deux enfants, un garçon et une fille, lesquels étaient, au moment où cette histoire commence, si petits qu'ils ne marchaient pas encore seuls. Le marchand venait précisément alors de mettre en mer deux grands vaisseaux auxquels il avait confié toute sa fortune. Il espérait retirer beaucoup d'argent de ce voyage, mais il reçut bientôt la nouvelle que les deux vaisseaux avaient péri. C'est ainsi que de riches marchands, il devint un pauvre homme, ne conservant pour tout avoir qu'un champ près de la ville. C'est là qu'il habita, et pour se distraire de sa perte, il se mit à marcher beaucoup. Un jour qu'il marchait ainsi à l'aventure, il vit tout à coup apparaître devant lui un petit nain tout noir, qui lui demanda pourquoi il faisait une si triste figure, et ce qui lui chagrinait tant le cœur. « Si vous pouvez m'assister, dit le marchand, je vous le dirai. » « Qui sait, répliqua le nain, si je le puis ou non. » Le marchand lui raconta donc ce qui était arrivé, comme quoi toute sa fortune avait péri dans les flots, et qu'il ne lui restait plus rien que le champ qu'il occupait. « Ne vous affligez donc pas plus longtemps, dit le nain. Si vous voulez me promettre de m'apporter dans 12 ans la première chose qui se frottera contre votre jambe à votre rentrée chez vous, vous aurez tout l'argent que vous pouvez désirer. » Le marchand pensa que ce serait son chien qui viendrait le premier à sa rencontre, car en ce moment la pensée de ses enfants ne se présenta pas à son esprit. Aussi fit-il le marché proposé, le scellant de sa parole d'honneur, et il retourna chez lui. Il était à peine en vue de sa maison que son petit garçon l'aperçut, et tout joyeux accourut au-devant de lui et se cramponna à ses genoux. Le père fut terrifié, car sa promesse lui vint aussitôt à l'esprit, et il comprit alors quel serment il avait fait. Cependant, comme il ne trouva point d'argent dans sa caisse, il s'imagina que le nain n'avait voulu que badiner. Mais un mois plus tard, comme il était allé dans son champ pour voir s'il n'y trouverait rien qu'il pût vendre, il vit là un grand monceau d'or. Dès ce moment, il commença à prospérer, acheta et vendit comme il avait fait autrefois, et redevint un gros marchand. Dans l'entretemps, son fils grandissait, se montrant plein d'esprit et de sagesse. Mais à mesure que ses 12 ans approchaient, le père devenait de plus en plus triste, si bien qu'à la fin on voyait les traces de son angoisse s'imprimer sur sa figure. Un jour son fils lui demanda ce qui le troublait. Le père ne voulut pas le lui dire d'abord, mais à la fin il lui conta comment, sans savoir ce qu'il faisait, il l'avait vendu à un petit nain tout noir pour un monceau d'or, et comment il avait mis son sceau et sa signature sur ce contrat, qui l'obligeait de livrer son fils au nain quand 12 ans se seraient écoulés. « Mon père, dit le fils, ne vous affligez pas pour cela. Tout finira par aller bien, car le nain n'a sur moi aucun pouvoir. » Après cette conversation, le fils se fit bénir par un prêtre, et, le moment venu, il alla avec son père dans le champ et tira un cercle dans lequel ils se mirent tous deux. Le nain noir ne se fit pas attendre. « M'avez-vous apporté ce que vous m'avez promis ? » demanda-t-il. Le père garda le silence, mais le fils répliqua. « Qu'avez-vous à faire ici ? » ?»« Je suis venu pour parler à votre père, non à vous, » dit le nain. « Vous avez trompé mon père, » riposta le garçon. « Remettez-lui le papier que vous avez extorqué. »« Jamais, » répliqua le nain, « je ne renoncerai à mes droits. » Ils délibérèrent ensuite tous ensemble sur cette affaire, et tombèrent d'accord enfin que, puisque le fils refusait d'obéir au nain, et qu'il avait cessé d'appartenir à son père, il entrerait dans une petite barque, et que son père pousserait la barque d'un coup de main, laquelle s'en irait ensuite à la merci des flots. Le fils fit donc ses adieux à son père, entra dans la barque, et le père imprima à la barque une bonne secousse. Par malheur, la secousse fit chavirer la barque, et le pauvre père retourna chez lui avec la pensée que son fils avait péri, et resta plongé dans la plus profonde douleur. Cependant, la barque s'était maintenue sur l'eau, et elle flottait tranquillement sur les flots, emportant le jeune homme, qui s'y tint d'attaché, jusqu'à ce qu'enfin elle touchât à une terre inconnue, où elle s'arrêta. Le garçon aussitôt se traîna sur la côte, et aperçut tout juste vis-à-vis un beau château, vers lequel il dirigea ses pas sans perdre un instant. Il y était à peine entré qu'il reconnut que c'était un palais enchanté. Il en parcourut les chambres qu'il trouva toutes vides, jusqu'à ce qu'il arrivât à la dernière, dans laquelle il découvrit un serpent qui se roulait et faisait 1000 cercles. Ce serpent, cependant, n'était rien moins qu'une princesse enchantée. Elle fut transportée de joie à la vue du jeune homme, et elle lui dit « Venez vous me délivrer, voilà 12 ans que je vous attends. Car ce royaume est enchanté, et c'est vous qui devez rompre le charme. « Comment pourrais-je le faire ? » demanda-t-il. « Ce soir, » répondit-elle, « 12 nains noirs viendront ici tout chargés de chaînes. Ils vous demanderont ce que vous faites là. Gardez-vous bien de répondre, quelque chose qu'ils vous fassent. Ils vous tourmenteront, vous battront, vous feront sans méchanceté, mais laissez tout passer sans prononcer un seul mot, et ils ne pourront plus reparaître avant 12 années d'ici. La seconde nuit, il viendra 12 autres nains, et la troisième nuit, il en viendra 24, et ceux-ci vous couperont la tête. À minuit, leur pouvoir sera arrivé à son terme, et si vous n'avez pas dit un mot, je serai sauvé. Je viendrai alors auprès de vous avec une bouteille de l'eau-de-vie, et je vous arroserai de cette eau, qui vous rappellera à l'existence et vous rendra toutes vos forces. « Je vous sauverai de tout mon cœur, » répondit-il. Tout se passa comme le serpent l'avait prédit. Les nains noirs ne parvinrent pas à faire parler le jeune garçon, et la troisième nuit, le charme qui enchaînait la jeune fille fut rompu, et elle vint, comme elle l'avait dit, auprès du garçon avec la bouteille de l'eau-de-vie, et elle le ressuscita. Alors la belle princesse se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et par tout le château, il n'y eut que joie et réjouissance. Bientôt après, le mariage fut célébré, et le fils du marchand devint roi de la montagne d'or. L'heureux couple vécut en paix et contentement, et la reine mit au monde un fils. Quand 8 années eurent passé sur sa tête, le roi se ressouvint de son père, et cette pensée s'empara tellement de lui qu'il voulut absolument le revoir. La reine refusa d'abord d'entendre parler de rien de pareil, mais il y mit tant d'insistance qu'à la fin elle dut bien consentir, et dit « Allez, mais je sais bien que ce voyage fera mon malheur. » Au moment de son départ, elle lui remit un anneau, et dit « Prenez cet anneau et portez-le au doigt. Par l'influence merveilleuse de cet anneau, vous serez aussitôt transporté partout où vous souhaiterez d'être. Mais il faut me promettre une chose, c'est que vous ne souhaiterez jamais que je quitte mon palais, pour paraître dans la maison de votre père. » Le roi promit, et passant l'anneau à son doigt, il se souhaita aux portes de la ville qu'habitait son père. Il s'y trouva à l'instant, et voulut pénétrer dans la ville, mais les gardes des portes ne voulurent pas le laisser entrer, parce qu'il portait des habits si extraordinaires si riche et si magnifique. Voyant cela, il gravit une colline sur laquelle il y avait un berger, qui faisait paître ses brebis. Il changea d'habit avec le berger, et ainsi vêtu, il pénétra sans peine dans la ville. Quand il arriva chez son père, on ne le reconnut pas, et le marchand ne voulait pas croire qu'il fût son fils, disant que bien sûr il avait tué un fils autrefois, mais qu'il était mort depuis plusieurs années. Toutefois, comme il avait l'air d'un pauvre berger tout affamé, le maître de la maison lui donna de bon cœur une assiette de nourriture. Enfin, le jeune homme, s'adressant à ses parents, dit « N'avez-vous souvenance d'aucune tâche de naissance qui vous permît de me reconnaître? Car je vous le dis en vérité, je suis votre fils. » « Oui, dit la mère, notre fils portait sous le bras un grain de beauté. » À l'instant, il releva la manche de sa chemise, et les parents, ayant vu le grain de beauté, ne doutèrent plus qu'il ne fût leur enfant. Il leur conta alors comme quoi il était le roi de la montagne d'or, et avait pour femme une belle princesse, et un fils qui avait déjà 7 ans. Mais le marchand se moqua de lui, disant « Cela ne peut jamais être vrai. Un beau roi, en effet, qui se présente dans des guenilles de berger. » Ce discours irrita fort le fils, et sans trop savoir ce qu'il faisait, il fit tourner son anneau et se mit à souhaiter que son fils et sa femme fussent tous deux auprès de lui. Sur-le-champ, ils apparurent, mais la reine pleurait et se plaignait qu'il eût violé sa promesse et qu'il la rendît par là malheureuse. Le roi lui dit qu'il l'avait fait sans y penser et sans aucune mauvaise intention. Elle parut se remettre, mais en réalité elle renferma son mal dans son cœur. Peu de temps après, il la conduisit dans la campagne, près de la ville, et lui montra l'eau où sa barque avait chaviré, et puis, se sentant fatigué, il lui dit « Je suis accablé de fatigue. Asseyez-vous un moment, afin que je puisse mettre ma tête sur vos genoux et faire un petit somme. » La reine s'assit, attendit qu'il dormît profondément, et alors elle retira l'anneau de son doigt et déposa tout doucement sa tête sur le sol. Cela fait, elle prit son enfant dans ses bras et se souhaita de retour dans son royaume. En conséquence, quand le roi s'éveilla, il se trouva tout seul, sa femme et son enfant partis, et son doigt sans anneau. « Retourner chez mes parents, se dit-il, je ne le puis pas, car ils me traiteront de magicien. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de voyager jusqu'à ce que je retrouve mon royaume. » Dans cette pensée, il prit son courage à deux mains, partit et arriva bientôt à une montagne, au pied de laquelle il y avait 3 géants qui se disputaient au sujet du partage de leur héritage paternel. Aussitôt qu'ils aperçurent le jeune homme, ils crièrent après lui et dirent « Venez ici, les petits hommes ont souvent de bonnes idées dans la tête, c'est vous qui ferez notre partage. » Or cet héritage se composait premièrement d'une épée telle que celui qui la tenait en main n'avait qu'à dire « Abat toutes les têtes qui sont ici, excepté la mienne. » À l'instant, toutes les têtes gisaient sur le sol. La seconde pièce était un manteau qui rendait invisible celui qui s'en couvrait. La troisième, une paire de bottes qui portait en un clin d'œil celui qui les avait mises partout où il souhaitait d'être. Le jeune homme dit donc « Donnez-moi ces 3 objets pour que je puisse m'assurer qu'ils sont en bon état. » Ils lui remirent le manteau, qu'il mit sur ses épaules, ce qui le rendit invisible sous la forme d'une petite mouche. Il reprit bientôt sa forme d'homme et dit « Le manteau est bon, donnez-moi maintenant l'épée. »« Oh non !» s'écrièrent les géants. « Nous ne vous la donnerons pas, car si vous disiez « Abat toutes les têtes excepté la mienne », nos têtes tomberaient et vous seuls garderiez la vôtre. » Cependant, ils lui donnèrent l'épée à condition qu'il l'essaierait sur un arbre. C'est ce qu'il fit, et l'arbre fut coupé en 2 par le beau milieu du tronc, ni plus ni moins que si ça avait été un fétu de paille. Alors il voulut avoir les bottes, mais les géants dirent « Non, nous ne pouvons pas vous les donner, car si vous les mettiez, et que vous vous souhaitiez au sommet de cette montagne, nous nous trouverions bel et bien ici sans plus rien de notre héritage. » Le jeune homme leur assura qu'il ne ferait aucun souhait semblable. En conséquence, ils lui confièrent les bottes. Comme il avait maintenant les 3 objets, il n'eut plus d'autre pensée que celle de sa femme et de son enfant. « Puissez-je être sur la montagne d'or ? » dit-il. Immédiatement, il disparut de la vue des géants, et c'est ainsi qu'il fit le partage de leur héritage. Comme il s'approchait de son château, il entendit des cris de joie, et les sons des flûtes et des violons,

Ces huit chevreaux aimaient bien la chèvre, et la chèvre le leur rendait bien. Un jour, Yagi-San partit pour la ville. Elle allait aux provisions. Avant de partir, elle dit aux chevreaux, « Mes enfants, il faut être bien sage pendant mon absence. Vous ne sortirez pas. Vous n'ouvrirez la porte à personne, absolument à personne. Je serai bientôt de retour. Je vous apporterai des bonbons. » Les chevreaux promirent d'être bien sages, de ne pas sortir et de n'ouvrir la porte à personne, absolument à personne. Et la chèvre partit, un panier au bras. Les enfants fermèrent toutes les portes. Puis, pour passer le temps, ils se mirent à jouer à pigeon-vol. Yagi-san marchait à grands pas vers la ville. Le loup la vit passer. Il eut l'idée de sauter sur elle et de la manger. Car le loup aime bien les chèvres. Puis, réflexion faite, il se dit « Au lieu de manger la maman, je vais manger les petits. Ils sont huit et la chair est plus tendre. » Il se dirige de ce pas vers la maison de la chèvre. En route, il se lèche les babines et aiguise ses dents. « Pourvu que la porte soit ouverte, » se dit-il. Il arrive. La porte est fermée. Par une fente, il entrevoit les huit chevreaux jouant à pigeon-vol. Il frappe doucement. « Qui va là ?» demande l'aîné des petits. « Il ne faut pas ouvrir. Maman l'a défendu, » dit le plus jeune. « C'est moi, » répond le loup. « Moi, votre tante. Vous savez, votre tante Ayatobi-san. Je vous apporte des bonbons. Ouvrez-moi. » « Cette voix n'est pas la voix de notre tante, » remarque l'un des chevreaux. « Notre tante a une voix bien plus douce, plus tremblante et plus traînante. Nous n'ouvrons pas à notre tante, » crie alors l'aîné des petits. Et tous se mettent à rire et continuent à jouer. Le loup a tout entendu. Il se reproche de n'avoir pas une voix douce, tremblante et traînante. « Je reviendrai, » dit-il. Et vite il court chez un célèbre pharmacien. « Donnez-moi, » lui dit-il, « une médecine pour adoucir la voix et la rendre chevrotante. » Le pharmacien lui donne le remède, mais le loup se garde bien de dire au pharmacien pourquoi il veut changer sa voix. Après avoir pris la médecine, il retourne à la maison de la chèvre. La porte en est toujours fermée, les chevreaux jouent toujours. Le loup frappe doucement. « Qui va là ?» demande l'aîné des petits. « Il ne faut pas s'ouvrir, maman l'a défendu, » répète le plus jeune. « C'est moi, » répond le loup, « moi, votre grand-mère. Vous savez, votre grand-mère Nakigoe-san. Ouvrez-moi, je vous apporte des feuilles de choux. » Un chevreau plus curieux s'approche de la porte et regarde par la fente. « Ce n'est pas notre grand-mère, » s'écrie-t-il. « Grand-mère a des pieds tout blancs, blancs comme la neige. Celui-ci a des pieds tout noirs, noirs comme le charbon. » « Nous n'ouvrons pas à notre grand-mère !» crie alors l'aîné des petits, et tous se mettent à rire et continuent à jouer. Le loup a tout entendu. Il se reproche de n'avoir pas des pieds blancs comme la neige. « Je reviendrai, » dit-il. Et vite il court chez un célèbre teinturier. « Veuillez me teindre les pieds en blanc, rendez-les blancs comme la neige !» Le teinturier lui teint les pieds, mais le loup se garde bien de dire au teinturier pourquoi il veut avoir les pieds blancs comme la neige. Après cela, le loup retourne encore à la maison de la chèvre. La porte en est toujours fermée. Les chevreaux jouent toujours. Le loup frappe doucement. « Qui va là ?» demande l'aîné des petits. « Il ne faut pas ouvrir. Maman l'a défendu !» répète le plus jeune. « C'est moi !» répond le loup. « Moi, votre maman !» Je reviens de la ville et vous apporte des bonbons. « La maman !» crient en chœur les huit petits chevreaux. Cette fois, le doute n'est plus possible. La voix est la voix de la chèvre. Les pieds sont ses pieds. C'est la mère. La porte s'ouvre. Le loup entre. Le plus jeune des chevreaux se précipite derrière un paravent. Il se tient là, tremblant de peur. Il voit ses sept frères disparaître l'un après l'autre dans la gueule formidable du loup. Celui-ci, ayant achevé son repas, quitte la maison de la chèvre et retourne à la forêt. Yagi-san revient de la ville. Elle voit la porte ouverte. Un pressentiment terrible la saisit. Elle entre et ne voit plus ses petits. Sur les nattes, des taches de sang. « Oh !» s'écrie-t-elle en s'arrachant les poils de désespoir. « Ils ont ouvert la porte. Le loup sera venu et les aura mangés. » Et elle pleure. Le plus jeune des chevreaux s'était caché derrière le paravent. Le loup ne l'avait point vu. Apercevant sa mère, il sort de sa cachette, se jette dans ses bras et, d'une voix tremblante, lui raconte la terrible aventure. La chèvre, ayant tout entendu, se redresse furieuse. Ses yeux lancent des éclairs. « Je retrouverai mes petits, » s'écrie-t-elle, « et je me vengerai. » Et, suivie de son chevreau, elle s'élance à la piste du loup. Le loup était retourné au bois. Il s'était étendu dans un épais taillis, et là, tout en faisant sa digestion, il s'était endormi. Yagi-san trouve le loup endormi dans les broussailles. Son sommeil est profond. Il ronfle bruyamment. La chèvre s'approche sans faire de bruit, car elle ne veut pas réveiller le loup. Elle prend des ciseaux et délicatement entr'ouvre la peau du ventre. Le loup ne se réveille pas. Les sept petits chevreaux sont là, dans le ventre du loup, vivants, bien portants, entassés comme des petits oiseaux dans leur nid. Ils sortent en poussant des cris de joie. Ils reconnaissent leur maman, se jettent à son cou, la couvrent de caresses. Le loup est toujours endormi. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Vite, la mère ordonne aux sept petits de lui apporter chacun une pierre. Les petits obéissent aussitôt. La chèvre prend les sept pierres et les dépose dans le ventre du loup, à la place même où tout à l'heure étaient ses sept petits. Puis, prenant une grosse aiguille et du gros fil, elle enfile la grosse aiguille et délicatement recoud la peau du ventre. Cela fait, elle se retire à l'écart avec ses huit chevreaux. Pendant l'opération, le loup dormait toujours. Il se réveille au bout d'un quart d'heure, se lève, se frotte les yeux, s'étire. « Ouh, son ventre est lourd, très lourd !»« La digestion est difficile, » dit-il à haute voix. Les chevreaux ont entendu. Ils étouffent un rire. Le loup est dévoré par la soif, une soif brûlante. Il descend vers un étang, s'approche et se baisse pour boire. Au même instant, les sept pierres roulent l'une après l'autre jusque vers son gosier. Le loup, entraîné par le poids, tombe dans l'étang. La chèvre et les chevreaux voient le loup se débattre. Ils applaudissent, rient et chantent. Le loup est descendu jusqu'au fond de l'étang, d'où il n'est plus ressorti. La vengeance des chèvres est terrible. Fin des huit chevreaux par Claudius Ferrand. Histoire de colis par Franz de Zeltner. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Histoire de colis par Franz de Zeltner. Un garçon s'appelait Koli. Son père, Nambaramadi, Madi le mystificateur, était mort en laissant un couteau, un gros d'or, un taureau, un petit âne. La mère pleure et dit « C'est tout ce que ton père a laissé !»« Ne pleure pas, » dit-il, « je me débrouillerai avec ce que j'ai. » Arrivent des marchands. Il va trouver leur chef et demande la permission de mettre pour la nuit son âne avec les leurs. Ils acceptent et Koli attache son bourricot avec les autres. Il demande à sa mère le gros d'or. Au matin, il va trouver les dioulas et leur dit « N'avez-vous pas ramassé le crottin de mon bourricot ? Si jamais j'apprends que vous avez touché son crottin pour voir ce qu'il y a dedans, vous aurez de mes nouvelles. » « Que pourrions-nous faire avec du crottin ?»« Vous n'en savez rien, mais moi, je sais ce qu'il y a dedans. » Il dit à sa mère d'apporter une calebasse avec de l'eau. Il met le crottin de son âne dedans et tous les dioulas viennent voir. Il remue bien et met sans qu'on le voie un gros d'or dedans. Il lave et trouve un gros d'or au fond de la calebasse. Il dit à sa mère « Tu as mal nourri mon bourricot. Je n'ai trouvé qu'un gros d'or dans son crottin, tandis que du temps de mon père, j'en avais cent chaque jour. » Les dioulas s'entendent avec leur chef pour acheter le bourricot. Koli ne veut pas le vendre. « Pouvez-vous acheter une bête qui fait 100 gros d'or par jour ? » dit-il aux dioulas. Enfin, il cède aux instances des négociants et dit « Chacun des trois chefs me donnera 10 captifs. » Ils les lui donnent et s'en vont avec l'âne. La première journée, le crottin de l'âne est réservé au premier chef, qui l'a bien nourri. Au matin, il fait apporter des calebasses pleines d'eau, se met à laver le crottin et ne trouve rien. Le deuxième chef s'approche et lui dit « Ne prends pas tout l'or, c'est mon tour maintenant. » Le premier ne dit rien de sa mésaventure. Le deuxième nourrit bien le bourricot et appelle au matin les gens pour qu'on apporte de l'eau et des calebasses, mais il ne trouve rien. De même pour le troisième chef, qui ne trouve rien et se figure que les autres ont tout pris. Il va se plaindre aux autres de ce qu'ils ont pris tout l'or. Ceux-ci déclarent qu'ils n'ont rien trouvé dans le crottin, et tous tombent d'accord pour penser que Colly les a trompés, et ils vont le trouver. Leur mère se moque d'eux et les insulte. Colly se doutait qu'ils arriveraient ce jour-là. Il tue son taureau et le distribue aux gens du village en signe de joie du bon marché qu'il a fait. Il recueille le sang, le met dans la poche à fiel et l'attache au cou de sa mère. Il lui dit « Quand les dioulas seront là et que nous causerons sur la place, tu viendras et tu voudras prendre la parole. Alors je te jetterai par terre, je ferai semblant de te tuer, et quand j'aurai crevé la poche pleine de sang, tu feras comme si tu étais morte. » Les trois dioulas arrivent et disent au chef de village « Nous venons à cause de Colly. Nous voulons qu'il nous rende nos captifs, car il nous a trompés avec son bourricot qui devait faire de l'or. » Alors la mère de Colly arrive sur la place et se dispute avec les dioulas. Colly fait semblant de se mettre en colère. Il jette sa mère à terre et la frappe avec son couteau à trois reprises. La poche se crève, le sang coule. Les assistants s'écrient « Il est fou, il a tué sa mère !» Colly dit « Je ne suis pas fou. J'ai tué ma mère, je peux aussi bien la ressusciter. » Les gens disent « Ressuscite-la d'abord, après nous causerons. » Avec le couteau de son père, il frappe trois fois sa mère, qui éternue, et se lève. Il lui dit « Maintenant, ma mère, pars chez toi. » Elle s'en va. Il se tourne vers les dioulas et dit « Continuons à parler. » Les trois chefs disent « Nous ne pensons plus à l'histoire du bourricot. Garde tes captifs. Ce que nous voulons, c'est ton couteau, parce que nous avons des mères insupportables. » Il se met à pleurer et dit « C'est l'héritage de mon père. Avec lui, je peux tuer tous ceux qui me font du mal. Mais êtes-vous capable de me donner chacun 15 esclaves pour ce couteau ?»« Oui, » disent les dioulas. Ils vont les chercher, les lui donnent et partent avec le couteau. Colly avait donc 75 captifs. Il en prend 60, va trouver le roi du pays et lui dit « Mon père m'a laissé 100 captifs, mais ils sont méchants et ont voulu me tuer. Veux-tu prendre ces 60-là chez toi pour me les dresser ?» Le roi accepte. Il revient chez lui et fait une fosse comme pour un enterrement, seulement il la recouvre de branchages et ne laisse qu'un petit trou à une extrémité, fermé avec un morceau de calebasse. À côté, il fait bâtir une case, avec un passage souterrain allant à la fosse. Après quoi, il se repose chez lui. Il dit à sa mère « Demain, tu viendras voir ce que j'ai fait. » Ils partent ensemble. Il lui dit « Quand les dioulas seront venus, tu entreras dans la case et tu te mettras dans la fosse. Quand je t'adresserai la parole, tu ne diras rien. Mais si un dioula met son oreille près du trou pour écouter, coupe-la lui. » Ensuite, il rentre chez eux. Le premier dioula, qui avait sur lui le couteau, rentre chez lui. Sa mère lui dit « Qu'y a-t-il de neuf ? Comme Colly s'est bien moqué de toi, quel malin tu fais !» Il la jette à terre, lui coupe le cou et la tue. Tout le monde s'écrie « Es-tu fou ? Tu as tué ta mère !» Il répond « Je ne l'ai pas tuée. Ma mère est méchante. Quand je voudrais, je la ressusciterai. » « Fais cela devant nous, » disent les gens. Il frappe trois fois sa mère, mais elle ne revit pas. Il dit à ses gens « N'en dites rien !» et cache le cadavre. Le second dioula vient lui dire « Prête-moi le couteau !» Il lui arrive comme au premier, de même au troisième. Ils sont en colère et disent « Nous allons tuer Colly, car il s'est trop moqué de nous !» Ils prennent leur fusil et vont trouver le chef de son village. Ils racontent l'affaire en ajoutant « Il faut qu'il ressuscite nos mères ou nous le tuons. Le couteau est une plaisanterie. » Le chef du village l'envoie chercher. Colly dit à sa mère « Va te cacher dans la fosse. » Il va auprès des dioulas. Le chef lui expose la plainte des dioulas qui ont tué leur mère. Il répond « Vous savez pourtant bien que c'est mon père qui m'a légué ce couteau, et que devant vous j'ai tué et ressuscité ma mère. »« Cela est vrai, » dit le chef. « Eh bien, » dit Colly, « allons sur la tombe de mon père. Nous l'interrogerons, et nous verrons si j'ai menti. » Les dioulas disent « Tu n'es pas fou? Ton père est mort il y a 6 mois et tu veux qu'il parle ?»« Oui, » dit Colly, « mon père répondra. » Ils vont sur la fosse qu'avait faite Colly avec 50 personnes, pas davantage. Tous s'assoient. Il leur montre la place où son père était soi-disant enterré. Il tire son bonnet, entre dans la cave avec son couteau et parle avec sa mère. « C'est moi qui parlerai le premier. Celui qui parlera le second, coupe-lui l'oreille. » Il ressort de la cave avec 4 cailloux à la main. Il en jette 1 aux 4 points cardinaux. Le chef dit « Qu'est-ce que tu fais dans cette cave ? C'est là que j'ai mis mes gris-gris, et comme tous les mercredis une hyène vient pour déterrer mon père, j'ai construit la cave pour me mettre à l'affût. » Il dit au chef de village « Je veux tuer ces 3 hommes. Si tu me laisses faire, tu auras 5 captifs. »« Bon, dit le chef, je t'aiderai. » Colly s'approche du petit trou de la fosse, enlève le morceau de calebasse qui le bouchait, et dit « Mon père, Nambaramadi. » Une voix dit « Que dis-tu, mon fils Colly ? Il y a des brigands de Dioula qui me veulent du mal. Quand tu fus mort, combien d'objets m'as-tu laissé ?» « Je t'ai laissé un bourricot dans le crottin duquel on trouvait 100 gros d'or tous les jours. » Colly se retourne vers le chef du village et lui dit « Avez-vous entendu ?»« Oui, dit le chef. » « Après, dit Colly, je t'ai laissé un taureau et un couteau avec lequel tu peux tuer celui qui t'a fait du mal, et tu peux le ressusciter en le touchant 3 fois. »« Avez-vous entendu ?» dit Colly. « Oui, dit le chef. » Colly dit « Ces dieux-là disent que ce n'est pas vrai. » La voix dit « Approche, je te donnerai de bonnes nouvelles de l'Argiana, paradis. » Un dioula dit aux autres « Je vais m'approcher pour entendre les bonnes nouvelles de l'Argiana. » Colly le laisse s'approcher. Les autres disent « Moi aussi. » Et s'approchent. Le premier vient, demande des nouvelles et s'approche. La mère saisit l'oreille et la lui coupe. Il met la main sur la blessure et cache le sang en s'écriant « Quelle bonne nouvelle !» De même pour les deux autres. Le troisième dit aux autres « Vous a-t-il coupé une oreille ?»« Oui, disent-ils. » « Alors il faut le tuer. » Ils prennent leur fusil. Colly se sauve, les dioula le poursuivent jusqu'au village du roi en tirant des coups de fusil. Il entre le premier et dit au sofa « Le roi est-il là ?»« Oui. » Il entre et lui dit « Que t'avais-je dit ? Voilà mes captifs qui veulent me tuer et qui me poursuivent à coups de fusil. Fais-les tuer s'ils viennent ici. Tu les reconnaîtras bien, car je leur ai coupé une oreille à chacun. Surtout ne les laisse pas causer, fais-les tuer vite, et je te donnerai 10 captifs. » Les dioula arrivent et veulent parler au roi. Les soldats préviennent le roi qui les fait entrer. Ils ont des bonnets qui leur couvrent les oreilles et disent au roi « Nous venons chercher ce misérable Colly qui s'est joué de nous. » « Avant tout, dit le roi, enlevez vos bonnets. » Ils s'exécutent en disant « Ce coquin-là nous a coupé à chacun une oreille. » Le roi dit « Vous êtes ses captifs, vous avez voulu le tuer. Soldats, menez-les dehors et tuez-les. » Colly dit « Ce sont les 3 seuls mauvais captifs que j'ai. Si tu leur fais couper le cou, les autres seront matés. » Alors on leur a coupé le cou à tous les 3. Colly a donné 10 captifs au roi, emmené les 50 autres chez lui, et en donne 5 au chef de son village. Il dit à sa mère « Ne t'avais-je pas dit que je me débrouillerais avec ce que mon père avait laissé ?» Fin de Histoire de Colly par Franz de Zellner. La Terre et la Comète par Karl Ewald. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Terre et la Comète par Karl Ewald, traduit par Maurice Pélisson. L'histoire que je vais conter est singulière au plus haut point. Elle dure plusieurs siècles, en sorte que si un homme y était mêlé, il serait mort et enterré avant qu'elle ne s'achève, et même avant qu'elle ne soit en train. Elle se déroule dans l'espace où voguent les étoiles, et où il fait si froid que les vêtements d'hiver les plus épais n'y feraient pas plus d'effet qu'une chemise trop courte. Et l'espace est si vaste que nul ne saurait le dire. Mais cela ne fait rien, car s'il était quelqu'un qui pût le dire, il n'y aurait personne qui pût le comprendre. Là, dans l'espace, la Terre suivait sa route, comme elle l'a suivie tant et tant d'années, comme elle la suit encore chaque jour. Elle tournait autour du Soleil, elle tournait, tournait, tournait toujours. Tout autre en aurait eu le vertige. mais la terre n'avait pas le vertige, car elle était habituée à faire ce tour qui, du reste, n'était pas un tour de rien du tout. En effet, il durait une année entière, et un tour n'était pas plus tôt fini qu'elle en commençait tout de suite un autre. Et comme si elle avait voulu complètement s'abasourdir, elle ne cessait de tourner en même temps sur elle-même, tout comme un petit chien qui court après sa queue. Mais cela ne lui prenait pas plus de 24 heures, et ce qu'elle en faisait, c'était pour que le soleil pût également luire sur toutes ses parties. Car celle qui n'est pas du côté du soleil reste tout ce temps plongée dans l'obscurité. Et si la terre exposait tout le temps au soleil l'Europe, l'Asie et l'Afrique, jamais, au grand jamais, les gens d'Amérique ne sortiraient de leur lit. Ce n'était pas là de minces affaires pour la terre, et elle en avait bien d'autres encore. C'est la lune qui les lui donnait. Celle-ci, à vrai dire, aurait pu, au besoin, s'arranger toute seule, car elle n'avait pas autre chose à faire qu'à tourner sur elle-même, comme la terre, et à tourner autour de la terre, comme celle-ci autour du soleil. Mais elle était bien plus petite que la terre, et, en réalité, n'avait pas voix au chapitre. En sorte que la terre prenait toujours un ton de commandement avec la lune. La lune, en revanche, lui faisait des niches à tout moment. Cela peut venir aussi de ce qu'elles étaient voisines l'une de l'autre, et que les étoiles étaient trop loin pour qu'elles puissent causer avec elles. Lorsque l'on est continuellement ensemble, volontiers on en vient aux tracasseries réciproques. Régulièrement, une fois par mois, la lune était pleine, pleine comme un ivrogne. Et alors sa face ronde regardait la terre en ricanant pour la faire enrager. « Voyez un peu ce misérable estafier !» disait la terre. « Quelle mine rutilante ! Cela se prend pour une étoile fixe !» La lune ne faisait que ricaner tant qu'elle était dans cet état. Mais cela ne durait pas longtemps. De nuit en nuit, sa mine s'allongeait comme si, après l'ivresse, elle sentait le mal aux cheveux. Elle finissait par disparaître, mais pour reparaître aussitôt et pour devenir de plus en plus ronde, jusqu'à ce qu'elle fût pleine de nouveau. « Tu es là ?» demandait la terre. « Naturellement, je suis là !» répondait la lune. « J'espère que tu es bien à l'heure !» ajoutait la terre. « À chaque tour que je fais autour du soleil, tu dois en faire 13 autour de moi, sans quoi il y aurait du grabuge dans l'almanach. « Il y a beau jour, vieille planète grognonne, que je sais ce que j'ai à faire !» répondait la lune. C'était un jour où elle était pleine, et dans ce cas, elle prenait toujours les choses de haut. Elle jouait aussi un autre tour à la terre. Parfois, elle attirait tant qu'elle pouvait d'un seul côté les eaux qui étaient répandues à la surface du globe, si bien qu'il se produisait ici une haute marée, là, une marée basse. Il en résultait, d'une part, des débordements et des sinistres, et d'autre part, les bateaux s'échouaient à la côte. Les gens à qui ces malheurs arrivaient disaient qu'il n'y avait pas moyen de vivre sur cette terre de malheur. Et de cela, la terre était naturellement chagrinée, puisqu'elle n'en pouvait mais. Aussi en voulait-elle doublement à la lune. « Voici qu'elle est encore pleine, cette saloperie !» disait-elle. Je voudrais bien savoir au bout du compte à quoi elle sert en se dandinant ainsi. » Elle se chamaillait ainsi, tandis que les années se succédaient, et elles accomplissaient leur cours. Autour d'elle tournaient les autres étoiles qui avaient elles aussi leurs soins et leurs peines. Et au beau milieu, le soleil luisait pour elles toutes. Un jour, au milieu de mars, une étoile étrangère vint en voguant à travers l'espace. Ni la terre ni la lune ne l'avaient jamais vue auparavant. Aussi firent-elles de grands yeux. L'étrangère ne ressemblait à aucune autre étoile, car elle avait une longue queue étincelante. « Qui diantre est cette gaillarde-là ? » dit la terre. « Je n'ai jamais vu la pareille, » dit la lune. Et toutes deux étaient si surprises qu'elles furent sur le point de s'arrêter. L'étoile étrangère se rapprocha, et la terre se prit à craindre qu'elle ne vînt à lui courir sus. Quand elle fut assez près, pour qu'on pût la héler, la terre lui cria « Ohé ! Qu'est-ce que tu viens faire sur ma route ? Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? » Voilà bien des questions à la fois, répondit l'étrangère. Qui es-tu? Reprit la terre. Je ne suis qu'une petite comète, répondit l'étoile. Et qui es-tu toi-même? Je suis la terre. Te voilà bien renseigné, je pense. Pas le moins du monde, reprit la comète. Je suis tout à fait étrangère dans cette région du ciel. Je n'y vins jamais auparavant, et je n'ai été présentée à aucune des étoiles. Eh bien, tu es bien tombé, dit la terre avec suffisance. Je n'ai pas l'habitude de me vanter, mais j'ose dire que je suis la mieux partagée de nous toutes. C'est fort heureux, dit la comète, mais dépêche-toi de me conter ton affaire, car je n'ai guère le temps de flâner par ici. Nous allons faire ensemble un assez joli parcours, dit gracieusement la terre. En route, et tournons autour du soleil. Qu'en dis-tu? Cela ne dure qu'un an. Nous pourrons causer ensemble. Allons donc, répondit dédaigneusement la comète. Tu appelles cela un parcours? D'ordinaire, tu peux m'en croire, j'emploie autrement mes forces. Mais allons, dépêche-toi de me dire quelle sorte de gens vous êtes dans ce pays. Permets-moi d'abord de te prier de faire attention à ne pas me heurter, dit la terre. L'étoile étrangère éclata de rire, si bien que sa queue se brisa en trois. Bah, dit-elle, tu as peur de recevoir un coup sur ta planète. Sois tranquille, je suis aérienne, immatérielle, et si je me heurtais à une masse comme toi, je serais mise aussitôt en pièces et morceaux. Ah ah, dit la terre avec intérêt, tu es en feu. C'est comme cela que je fus autrefois. Il y a longtemps alors, dit la comète sur un ton de doute. Il me semble que tu as au pôle une grande calotte de glace. C'est vrai, dit la terre. J'en ai même une à chaque pôle par-dessus le marché. Mais cela ne fait rien d'avoir froid aux pieds et à la tête, pourvu qu'on puisse se tenir le ventre au chaud. Sans doute, mais ton feu? Demanda la comète. Il est au-dedans de moi, répondit la terre. Tu vas t'en apercevoir. Et aussitôt elle fit vomir des flammes par un ou deux de ses plus grands volcans, que c'en était un plaisir. Tiens, tiens, dit la comète, cela n'est pas mal. Pas mal, dit la terre piquée. Apprends que j'ai le ventre tout plein de feu, et c'est ce qui me rend extraordinairement intéressante. Autrefois, vois-tu, je fus comme toi une jeune personne immatérielle, aérienne. Puis, peu à peu, je pris de la fermeté, de la solidité. Enfin, une croûte épaisse se forma autour de moi, et aujourd'hui je ne peux plus faire que des feux de cheminée dans mes volcans. Mais en moi, il y a toujours du feu. Cette croûte doit être un peu gênante, dit la comète. Mon Dieu, oui, répondit la terre. Mais on s'y fait peu à peu, et puis c'est sur elle qu'il y a des hommes. Des hommes? Reprit la comète. Qu'est-ce que c'est que ça? La terre, pensive, se gratta le pôle nord, ce qui déplaça sa calotte, en sorte que deux ou trois énormes blocs se détachèrent et s'en allèrent à la dérive dans la mer comme des montagnes de glace. Les hommes, poursuivit la terre, c'est comme qui dirait une espèce de vermine. Pouah ! Fit la comète. La terre se tut un moment et parut toute songeuse, puis elle dit « Ils fourmillent et grouillent de façon parfois à me rendre folle, et à mesure que le temps marche et qu'ils multiplient, ils deviennent pires. Ils me fouillent en tous sens pour trouver du charbon, du métal et autres choses à leur usage. Ils placent des rails à ma surface et me parcourent à l'aide de la vapeur. Ils percent des trous dans mes plus grandes montagnes. Ils jettent des ponts sur mes rivières. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont mes maîtres. » Il me semble qu'il doit être un peu vexant pour une étoile d'être aux ordres d'une pareille racaille, dit la comète. Ne peux-tu donc t'en débarrasser? J'y ai bien essayé, répondit la terre, à plus d'une reprise et de diverses façons. J'ai fait lancer des flammes et des blocs de pierre en ignition par mes volcans, et j'ai ainsi enseveli des villes entières. J'ai aussi déchaîné souvent des déluges et noyé des milliers d'hommes. Quand je les trouve trop importuns, je me secoue et j'opère un tremblement de terre. Bon, dit la comète, et cela ne te réussit pas? Cela me soulage un peu, répondit la terre. Mais voilà tout. À la longue, cela ne sert à rien. Ils sont devenus trop nombreux, j'imagine. J'aurais dû m'y prendre plus tôt, quand ils étaient en petit nombre et peu madrés encore. Lorsque j'en ai noyé ou enseveli quelques milliers, j'espère que leurs familles vont être anéanties par le besoin et la douleur. Mais les autres les assistent, les consolent, et après quelques années, je suis aussi infectée que devant. » Je n'ai jamais rien vu de pareil, dit la comète. Je ne conçois pas que tu le supportes. Oui, mais que ferais-je? Dit la terre. Je ne peux plus les maîtriser. Ils m'ont exploré d'un pôle à l'autre, si bien que je n'ai plus un coin qui soit à moi. Ils m'ont soumise à leurs calculs, à leurs mesures. Ils m'ont décrite d'un bout à l'autre de tous les côtés. Il en est qui, sur leur table, ont une boule qui est censée me représenter et, grâce à laquelle, ils peuvent connaître mes moindres réduits. Par leurs calculs, ils prévoient les tempêtes, les orages, les tremblements de terre, etc. Ils ont pendus à leurs murs des appareils qui les avertissent de tout cela. Que peux-je faire avec de pareils gens? Je ne sais pas, dit la comète, mais je sais bien qu'à ta place, je ne tolérerai pas pareilles choses. La terre eut un rire ironique. « Bah ! » dit-elle, « ne te monte pas la tête. Je peux t'annoncer qu'à cet instant même où nous allons de compagnie en bavardant, nos gens t'ont déjà découverte. Ils braquent sur toi leurs lunettes, ils font sur toi leurs calculs, ils te donnent un nom et écrivent des livres sur ton compte. J'entends cela de ceux qui sont entre eux les plus habiles. Quant aux ignorants, tu leur fais peur et ils croient que tu viens annoncer la fin du monde. » « Qu'est-ce que les ignorants ?» demanda la comète. La terre secoua sa calotte de glace, si bien que la moitié de l'Atlantique s'emplit de banquises et que le bois ne put verdir même à la Pentecôte. « J'aurais bien aimé que tu ne m'eusses pas posé cette question, » dit la terre avec embarras. « Excuse-moi, » dit la comète, « c'est peut-être un secret de famille. »« Non, » répondit la terre, « ce n'est pas du tout ça. » Mais jusqu'à ce jour, il m'a été tout à fait impossible de démêler ce que sont au juste les ignorants. Il y en a, je le sais. Il y en a beaucoup par-dessus le marché. Mais ce qu'ils sont, je n'en ai pas idée. Ce que les hommes disent là-dessus ne peut compter, car chacun d'eux se tient pour habile, et les autres sont ignorants à ses yeux. Tous sont ignorants à ce compte, dit la comète. Là-dessus, la terre se sentit offensée en la personne des hommes. Elle s'avisa qu'elle avait sans doute trop parlé à cœur ouvert avec cette étrangère qu'elle ne connaissait pas le moins du monde et qui s'était présentée elle-même comme une personne en l'air. Aussi prit-elle un ton très digne pour répondre. « Pas le moins du monde, pas le moins du monde, ma bonne comète. Mais cela ne mène à rien de te parler plus longuement de choses où tu n'entends goutte. Je ne veux pas me vanter, mais d'une façon générale, je te prie de remarquer que je suis de beaucoup la plus intéressante de toutes les étoiles. Considère l'univers entier tant qu'il te plaira, tu ne trouveras pas ma pareille. Vois Vénus qui brille là-haut, Jupiter, Mars et tous ceux qui tournent autour du soleil comme moi. Puis examine-moi ensuite avec mes mers aux eaux profondes et fraîches, mes forêts de hêtres, mes bouquets de palmiers. À parler franchement, je ne peux rien voir de tout cela. Dit la comète. Tout cela est véritable, sans doute. Mais du reste, n'es-tu pas enveloppé d'un brouillard? Ah oui, dit la terre un peu vexée. Je l'avais oublié. C'est mon atmosphère. Tout cela est bien encombrant. Cette croûte, ces hommes, cette atmosphère. Comète, dit la terre d'un ton pénétré. Je tourne autour du soleil comme les autres étoiles que je t'ai nommées et entre lesquelles je suis une des plus petites. Mais il est une chose dont je suis bien sûre, c'est que je suis le centre du monde. Tu t'essouffles, dit la comète. N'ayant pas l'habitude de te vanter, tu devrais t'asseoir, tu t'en vendrais plus à ton aise. M'asseoir ? Reprit la terre choquée. Si je m'asseyais, c'en serait fait de moi. Tout dépend de mon exactitude à décrire mon tour autour du soleil. Je peux t'assurer que je ne me vante pas. Je suis la plus admirable de toutes les étoiles. Rien qu'à cause de mes hommes. Nulle part il n'y a rien de pareil. Hé, là-bas, qu'est-ce qui t'arrive? M'est avis que tu me fausses compagnie? Ainsi fais-je, dit la comète. Seigneur mon Dieu, dit la terre avec chagrin. Ne peux-tu pas rester ici un couple d'années? Nous nous entendons si bien toutes deux. Et tu peux m'en croire, il n'est pas si agréable que cela de faire toujours le même chemin et de ne pouvoir causer qu'avec une bête comme la lune. » « Qui est-ce la lune ? » demanda la comète. « C'est cette petite commère que tu vois là, » répondit la terre, « et qui tourne autour de moi. C'est une pauvre diablesse d'étoile à la retraite que j'ai accueillie chez moi quand elle s'en allait à la dérive à travers l'espace. Elle est tout à fait éteinte et stupide, pauvre personne qu'il faudrait mettre dans un asile. Mais c'est l'usage dans ce pays d'avoir un cortège de lune. Jupiter en a 8 à lui tout seul. Je trouve à la vérité que c'est une pose assez sotte. « Adieu !» dit la comète. « Reste encore un peu !» supplia la terre. « Je ne peux !» dit la comète. « J'ai moi aussi à suivre ma route, et il me faut aller d'un autre train que toi. D'ailleurs, j'en ai assez d'écouter tes âbleries. »« Quand reviendras-tu » demanda la terre. La comète prit son essor avec sa queue trifurquée. « Dans 300 ans » cria-t-elle. « C'était une rude commère !» dit la lune. « En voilà une allure. Parlez-moi de sa queue. Voilà une autre existence que celle d'une pauvre planète. »« Assurément, » répondit la terre piquée avec ironie. « Elle mène presque aussi grand train que la lune. » Mais la lune était pleine et se contenta de lui faire la grimace. 300 ans plus tard, la comète revint. La terre l'avait attendue avec impatience en comptant consciencieusement ses tours autour du soleil. Elle s'était parée de violettes et de toutes les sortes de fleurs qu'elle peut faire pousser en mars. Et au jour précis, tous les hommes étaient sur pied, cherchant la comète des yeux, car ils avaient exactement calculé sa marche. Les habiles étaient contents d'avoir à observer un beau et rare phénomène, et les ignorants, pleins d'angoisse, ou pleuraient dans leur lit, ou couraient éperdus à l'aventure, ou buvaient jusqu'à l'ivresse et faisaient toutes sortes d'extravagances. « Voici la comète !» dit un savant qui se trouvait sur l'observatoire le plus haut situé, avec la plus puissante lunette, et qui avait fait le plus d'études sur les comètes. « Voici la comète !» dit la lune. « Hurrah ! On va s'amuser un brin !»« Voici la comète !» dit la terre avec joie. Et quand la comète apparut, brillante et fendant l'espace avec sa longue queue trifurquée, la terre leva sa calotte, et alors ce fut par toutes les mers une débâcle de banquise, et il se mit à faire si froid que les ignorants furent convaincus que c'était la fin du monde, et les savants eux-mêmes ne laissèrent pas d'être inquiets. « Bonjour, bonjour, comète !» cria la terre. « Sois la bienvenue à ton retour. Je suis heureuse de te voir si alerte et si brillante. » Mais la comète ne répondit mot. La terre, encore une fois, lui cria bonjour et ne reçut pas plus de réponse. « Que diantre peut avoir la comète ? » dit-elle tout étonnée. « Serait-elle devenue vaniteuse et ne veut-elle pas saluer une ancienne connaissance ?»« C'est sûrement qu'elle ne t'a pas vue, » dit malicieusement la lune. « Songe que tu es petite. » « Taisons-nous là-bas et faisons notre ouvrage, » dit la terre en colère. Et elle cria de plus belle, « Comète ! Comète ! Comète !» Mais la comète, impassible, traversait l'espace sans souffler un mot. La terre eut peur qu'elle ne passât sans qu'il lui fût possible de causer avec elle. Elle en avait envie de pleurer. Aussi bien n'y a-t-il pas de quoi rire lorsque l'on a, durant 300 ans, désiré causer avec quelqu'un, de n'en pas même avoir un bonjour. « Ohé, comète » cria-t-elle sur le ton le plus piteux. « Tu ne voudras pas passer devant ma porte sans me saluer. Je suis ta vieille amie, la terre. Ne te souviens-tu pas de moi? Tu viens de faire des millions de lieues. N'est-ce pas que, comme je t'en ai prévenu, tu n'as rien vu de pareil à moi ?»« Peu !» dit la comète. « Quoi ?» dit la terre incrédule. « Je voudrais bien savoir quelque chose de ton voyage. » Au reste, pour le moment, je me réjouis que tu n'aies pas perdu la parole. Voyons, compte un peu. Me feras-tu croire que nulle part dans l'espace tu aies pu trouver des mers aux eaux si profondes et si fraîches, d'aussi belles forêts de hêtres, des palmiers aussi élancés ?»« Oh ! » fit la comète. « Et les hommes, hein ?» demanda la terre. La comète riait si fort que sa tête et sa queue en étaient secouées et que la terre commençait à être choquée pour tout de bon.